t'en as déjà un notifié ou de bonheur. Puisque l'Iran a aussi heureuse et que ou les si merveilleuse, m'y voudrait pas cause à ou plus de temps, m'y peut pas quand m'y aime à ou trop fort. Et toutes les promesses que nous l'avait fait, toutes bonnes caresses, toutes bonnes baisers, s'allaient sans cesse dans mon bonne pensée. Et lui va reste toujours gravé. Et même si ou va reste l'unique grand amour de ma vie, mi demande à ou de mettre un moins dans l'oubli. Quand on dit mi voit bien que ou y a ma lit, moi les désolé d'avoir enfin les interdits. Baby, y a ma ou à la folie. Baby, ça ne m'y ressent sera pour la vie. Michael, le jeune et talentueux, très talentueux Michael, à la folie. Nous aurons le plaisir de l'entendre demain dans le bon tempo avec David, avec son clip à la folie qui a dépassé déjà les 3 millions de vues. Il sera avec David demain après-midi sur Réunion Première. Donc le bon tempo, David, 16-18, du lundi au vendredi sur la première. Bientôt 10h, on accueille Isabelle maintenant. Isabelle, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Les experts aujourd'hui jusqu'à midi, Isabelle. Eh oui, et aujourd'hui on va s'intéresser à votre permis de conduire et au code de la route. Nous recevrons avec nous un avocat du permis de conduire, Maître Combe Landivier. Il sera accompagné de notre expert en gestion des risques, Richard Barret. Toutes vos questions au 02 62 99 2000. Concernant quoi ? Eh bien, la perte de points sur le permis de conduire, les contestations de la contravention, les démarches à faire pour contester cette contravention, des questions sur le code de la route, la récupération de vos points dans un rond-point en cas d'accident. Qui a tort ? Qui a raison ? Eh bien, vous poserez la question, ça se passe au 02 62 99 2000. Par SMS aussi, vous pouvez poser vos questions. Cette fois-ci, c'est au 06 92 70 2000 que ça se passe. Isabelle Waraud sur Réunion Première, les experts avec vous. Ça même. Sur la première, et puis moi je vous donne rendez-vous demain avec grand plaisir à partir de 8h. Nous parlerons fromage cochon dans la tradition réunionnaise. Chouette. Fromage cochon et puis Jean-Claude Machir qui sera au marché forain du Chaudron. Belle journée à toutes et à tous. Il est 10h, voici le journal. À 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Un voyage plus long que prévu pour 12 000 passagers SNCF. Ils ont passé une partie de la nuit dans des trains bloqués en raison d'un suicide sur les voies. Une manifestation surprise de policiers hier soir à Paris. Ils étaient plusieurs centaines sur les Champs-Élysées pour réclamer des moyens et surtout plus de considération. Manuel Valls en plan B pour l'Élysée. Si François Hollande ne se présente pas, l'idée commence à faire son chemin au PS. Et puis restez bien jusqu'à la fin de ce journal. D'abord parce qu'on va lever le voile sur le parcours du prochain Tour de France et parce que Jean Dujardin alias Brice de Nice a un message spécial pour les auditeurs de France Info. France Info. On commence avec cette nuit mouvementée pour de nombreux passagers SNCF. Mmh. Près de 12 000 voyageurs, c'est énorme, se sont retrouvés bloqués dans des trains. Une vingtaine de TGV entre Paris, Lyon, Marseille et Montpellier ont été retardés en raison d'un suicide sur les voies près de Tonnerre dans l'Yonne. Et ça a duré longtemps, Julie Smul. Oui, comme pour Florence, par exemple, une étudiante de 20 ans qui a vécu cette nuit un véritable périple entre Lille et Lyon. Je suis partie de Lille à 19h42 et je suis arrivée à Lyon un peu avant 4h. Je monte dans mon train normalement, je sais qu'on va faire une escale inhabituelle, exceptionnelle, à Marne-la-Vallée et qu'on va devoir descendre du train. Et en fait, c'est là que la galère commence parce qu'on réalise qu'à Marne-la-Vallée, il y a plein d'autres voyageurs et là, on réalise qu'on n'a pas de train. Et ça va durer 4 heures, hein. 4 heures d'attente dans la gare de Marne-la-Vallée avec des textos de la SNCF toutes les heures pour la tenir au courant, mais c'est à peu près tout. Il n'y avait personne qui avait à manger, à boire ou quoi que ce soit. Ils nous ont dit que, étant donné l'arrivée tardive, on devait prendre nos dispositions. Il n'y avait pas de prise en charge à l'arrivée. Donc là, quand on est arrivé, on a dû se débrouiller tout seul pour trouver taxi, Uber, bus. De quoi provoquer la colère de pas mal d'usagers cette nuit sur les réseaux sociaux. De son côté, la SNCF regrette ces perturbations exceptionnelles, mais elle explique que dans le cas d'un suicide, avant de pouvoir rétablir le trafic, il faut faire venir sur place un OPJ, un officier de police judiciaire, c'est la procédure. Et celui d'hier, eh bien, il a mis beaucoup de temps à arriver. Les trains ont recommencé à rouler vers 23h30, c'est-à-dire près de 4 heures après le signalement de l'incident. Et Julie Smul. Alerte à la gastro, l'épidémie est déjà là. Elle a 3 mois d'avance cette année. Plus de 225 000 personnes ont été malades la semaine dernière, avec des foyers particulièrement importants en Île-de-France, dans le Nord-Est et le Sud-Est. Un cortège étonnant la nuit dernière à Paris. 200 véhicules de police, gyrophares allumés sur les Champs-Élysées. Ils ont partiellement bloqué l'avenue pendant une demi-heure. Avant cela, les policiers, qui étaient environ 500, s'étaient rassemblés devant l'hôpital Saint-Louis à Paris pour soutenir leur collègue qui est dans le coma depuis l'attaque de Viry-Châtillon il y a 10 jours. Un rassemblement spontané, sans étiquette syndicale, pour exprimer une fois de plus leur ras-le-bol. On est pacifique, je pense que vous le voyez, on ne vient pas brûler des pneus, on ne vient pas casser les voitures, on vient juste, on se rassemble à peu près silencieusement, soutenir notre collègue. On a parlé de lui pendant 2 jours et plus rien, il est toujours entre la vie et la mort. On veut juste travailler en sécurité, on veut du moyen, on veut des effectifs, un changement, de la considération, d'arrêter d'être pris pour des pions, d'arrêter d'être des outils statistiques, le fait d'être considéré comme des fonctionnaires, comme des personnes qui se mettent en danger pour un salaire pas dingue. On veut arrêter d'avoir des missions qui nous dispersent, d'avoir des gardes statiques qui nous dispersent, qui nous empêchent de se recentrer sur notre vrai boulot de police, qui est d'être sur le terrain et de combattre la délinquance. La hiérarchie, de toute façon, elle ne soutient personne. Ils attendent qu'une chose, c'est que les chiffres soient bons pour avoir la prime à la fin de l'année. Après, le reste, ils s'en foutent. Ils sont tranquilles au chaud dans leur bureau. Ils risquent quoi? C'est pas eux qui sont fait cramer dans leur voiture, ça ne risque pas de leur arriver. Hein? Donc, à un moment donné, on dira le bon. Témoignage recueilli par Mathilde Lemaire. Déjà 5000 journées de cours perdues depuis la rentrée à cause de professeurs absents non remplacés. C'est la Fédération de parents d'élèves FCPE qui a fait le calcul. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, doit annoncer des mesures en fin de matinée, notamment l'embauche de 1500 remplaçants l'an prochain. François Hollande doit-il se représenter? La question se pose de plus en plus au sein du PS, surtout depuis l'apparition de ce livre de confidences qui fait tant parler. Du coup, certains réfléchissent déjà à un plan de secours. Dans les couloirs de l'Assemblée, le nom de Manuel Valls revient régulièrement. Dans les rues d'Evry aussi, c'est son fief politique. Le Premier ministre y était d'ailleurs hier soir pour installer un conseil local de la laïcité. Julie-Marie Lecomte. Manuel Valls, le plan B ici à Evry, c'est comme une évidence. Moi, ce serait le plan A. Je ne peux pas faire autrement, tu dis penser. Il n'y a pas d'histoire. Hein. En 2000, Manuel Valls est venu ici. Ce n'est qu'un tremplin pour pouvoir arriver à la présidence. Hein. Si François Hollande n'y va pas dans la seconde, il sera candidat. Publiquement, Manuel Valls ne le dira jamais comme cela. Hors de question d'être le grain de sable quand on vénère l'ordre et l'autorité. Il a la stature, il a la foi, il doit y aller. Claudette, tu vas bien? Ça va? Oh, la dame, elle me dit il faut qu'il y aille, Manuel Valls. Ben, il y est, il est à Evry. Hein? La loyauté jusqu'au bout, un mantra qui, le jour venu, sans nul doute, paiera. C'est un homme droit, hein. Il ira directement, mais il ne fera pas d'entourloupette. Hein. Ce qu'a fait Emmanuel Macron à M. Hollande, jamais Emmanuel le ferait. Les sceptiques le trouvent clivant. Hier soir à Evry, Manuel Valls a livré la version la plus rassembleuse de sa vision de la laïcité. Rien à voir avec une conception tracassière. Et de l'islam. L'islam n'est pas le problème. L'islam fait partie de notre patrimoine. Il a également recadré la droite. Le problème de ce pays, c'est le chômage, pas les chômeurs. Enfin, Manuel Valls a promis de défendre dans les semaines qui viennent sa vision de la France. Une vision, exactement ce que les déçus reprochent à François Hollande de ne plus porter. Julie-Marie Lecomte. Une nouvelle assemblée générale prévue ce matin à Itélé. Les journalistes doivent décider de poursuivre ou non la grève entamée hier. Ils n'ont pas réussi à empêcher l'arrivée sur leur antenne de Jean-Marc Morandini. L'animateur mis en examen pour corruption de mineurs aggravés a présenté sa première émission en fin d'après-midi. L'armée irakienne va déverser 7 millions de tracts sur Mossoul aujourd'hui et demain pour donner des consignes de sécurité aux habitants, leur dire quoi faire pendant les combats. L'offensive pour récupérer cette ville contrôlée par l'État islamique a été lancée hier. Il ne devrait pas y avoir de bombardement aujourd'hui à Alep en Syrie. La Russie annonce une trêve de 8 heures pour permettre aux rebelles et aux civils de quitter la ville. Le Tour de France passera-t-il sous vos fenêtres l'été prochain? Réponse à midi. On aura le parcours détaillé. Pour le moment, on sait juste que les coureurs partiront de Düsseldorf en Allemagne, qu'ils arriveront comme d'habitude sur les Champs-Élysées. Mais notre spécialiste Fabrice Rigobert a quelques indiscrétions en plus. Pour la première fois depuis 25 ans, dans une même édition, le peloton passera dans chacun des 5 massifs de l'Hexagone. Les Vosges, le Jura, les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes. Mais paradoxalement, il y aura moins de cols à gravir. Dans les Vosges, après un passage en Belgique et au Luxembourg, le peloton devrait arriver une nouvelle fois à la planche des Belles-Filles au départ de Vittel. La première semaine du Tour s'achèvera avec une arrivée dans la station des Rousses que l'on atteindra au départ de Dole le 8 juillet, avant une 9e étape qui sera le sommet de cette première partie entre Nantua et Chambéry, étape avec 3 trois cols hors catégorie, comprenant une nouvelle ascension du Grand Colombier avec un passage à 22%. La première journée de repos devrait se dérouler à Périgueux, puis cap vers les Pyrénées. On parle là de Pau, Péragude, Foix, direction le Massif Central avec Rodez, le Puy-en-Velay pour une seconde journée de repos avant les Alpes, Brioude, la ville de Romain Bardet, Serre-Chevalier, une arrivée au sommet de l'Isoard, Marseille devrait précéder la dernière étape entre Montgeron et les Champs-Élysées le 23 juillet. Et on retrouvera Fabrice Rigobert dès midi pour connaître le parcours étape par étape et nous serons aussi avec le directeur du Tour, Christian Prudhomme. Allez, on termine avec le film le plus jaune de l'histoire du cinéma qui sort en salle demain. Brice de Nice ou Bryce de Nice, comme vous voulez, est de retour. Le réalisateur James Hutt avait envie de s'amuser une nouvelle fois avec ce personnage de surfeur frimeur, incarné par Jean Dujardin, qui a retrouvé sa tignasse blonde, son t-shirt jaune, sa planche de surf jaune. Il voit la vie en jaune. Il y a un rapport entre France Info et Brice, le micro est jaune. Oui, c'est vrai, le micro est jaune. Et encore un plus grand rapport, parce que moi j'embrasse tous les auditeurs de France Info, et particulièrement James Hutt, parce que c'est ma radio que j'écoute tous les jours. Ben, donc je vais m'entendre en train de m'embrasser. Oh, peut-être. J'adore. J'embrasse James Hutt aussi. Merci Jean. Voilà, nous aussi on l'embrasse, voilà, on James tous. Voilà, ça fait plaisir. Et on ira voir son film Brice de Nice avec Jean Dujardin à partir de demain au cinéma. Absolument, merci beaucoup Mathilde Munoz pour les infos. 8h08, l'œil sur le ciel. 10h09 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Et pour aujourd'hui, mardi, bien noter que le soleil sera l'élément dominant. Avec un peu de vent, excepté sur la baie de la Possession, les mesures d'humidité restent basses sur les hauteurs et dans les bas. Si vous recherchez un peu la fraîcheur aujourd'hui, eh ben faudra monter à mi-pente. Eh oui, plus haut les sommets sont dégagés et l'air très sec. La crème solaire est recommandée, nous dit Météo France, avec une hydratation régulière. Les cirques, le volcan, les plaines, le littoral, eh bien, vont conserver un bon ensoleillement, et ce, une grande partie de la journée. Pour cet après-midi, il y aura un petit peu plus de nuages qui vont bourgeonner sur le relief, mais sans incidence sur les précipitations. Des nuages qui vont s'étaler cet après-midi sur le littoral, de l'étang Salé à Saint-Pierre, et côté température, le mercure va monter jusqu'à 26 à Sillaos, 19 au Pas-de-Bellecombe, et aussi entre 27 et 30 sur le pourtour du littoral. Profitez bien de cette nouvelle journée de vacances avec vos enfants. Le vent d'est nord-est est faible, sauf de la grande chaloupe au Cap Laoussé, ainsi que du côté de Saint-Philippe, les rafales pouvant atteindre les 40 km/h. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Pour ceux qui suivent avec attention les courses, voici l'arrivée d'hier sur l'hippodrome d'Anguin. Pour gagner, il fallait jouer le 2, le 3, le 8, le 6 et le 7. 2, 3, 8, 6 et 7. Cet après-midi, on remet ça, cette fois-ci sur l'hippodrome de Deauville, le prix du pôle international de Deauville. Avec 16 partants, 2500 mètres à parcourir, 1 million d'euros dans la tirelire. Départ prévu à 15h47. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 5, le 10, le 6, le 3, le 16, le 11, le 2, hélas, 5, 10, 6, 3, 16, 11, 2 et As pour votre quintet cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville, prix du pôle international de Deauville, départ prévu à 15h47. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Un accident, c'est vite arrivé. Perdre ses points sur son permis de conduire, eh ben ça peut arriver très vite aussi. Et cela pose des questions en cas de sinistre. Vous avez peut-être fait une erreur dans le code de la route. Qui a tort, qui a raison? Eh bien, on va en parler ce matin. Les experts consacrés à votre permis de conduire et au code de la route, nous allons recevoir dans quelques instants Maître Côme Landivier, qui est avocat du permis de conduire, et Richard Barret, expert en gestion des risques. La perte de points sur le permis, comment les rattraper, les démarches à faire pour contester une contravention. D'ailleurs, pouvez-vous le faire? Des questions concernant le code de la route, 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Isabelle Waro sur Réunion Première. Toutes vos questions également par SMS, cette fois-ci au 06 92 70 2000. On se donne rendez-vous juste après les Big Girls. qui la pisse, la nena people. N'a de moins en quantité. Cette nous amène, c'est la qualité. La qualité, l'ambiance rayonnée. Si tu aimes, la musique, c'est gars. Tout ça tire bas. N'a idée, maï, n'a idée, maï pas. Allez, commande. CTM sur la première. Les experts, votre émission aujourd'hui jusqu'à 11h30, consacrée au permis de conduire, au code de la route, pour vous aider à y voir plus clair, pour répondre à toutes vos questions, nos spécialistes, nos experts aujourd'hui. Maître Côme Landivier est avec nous. Bonjour maître. Bonjour Isabelle, bonjour. Ça va les bien auditeurs. Oui. En forme? Oui, super. Tous les bien. Permis, c'est bon? Tous les points sur le permis? Ah oui, oui. Va bien? Oui, oui. Super. À vos côtés, Richard Barret qui est avec nous, expert en gestion des risques. Bonjour Richard. Bonjour Isabelle, bonjour ça à bien. Tout le monde. Ça pas va très très bien, vitesse merci. Vitesse pour arriver? Non, non, à peine quelques petits excès, mais de rien. Excès de petit déjeuner surtout. Surtout? Oui. Ça, c'est mieux que les excès sur la route. Vous avez des questions à poser concernant la perte sur votre permis de conduire, la contestation d'une contravention. Comment faire pour contester? D'ailleurs, est-ce que vous auriez raison de le faire ou pas? Des questions sur le code de la route 02 62 99 2000. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance. Le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Partagez la passion des coureurs avec Dynamalt, boisson énergétique officielle du Grand Raid. Suivez tous les exploits du Grand Raid avec les SUV Peugeot, partenaire officiel. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Aujourd'hui, les experts consacrés à votre permis de conduire, le code de la route aussi, 02 62 99 2000, c'est le numéro de téléphone à composer pour poser gratuitement toutes vos questions à Richard Barret qui est expert en gestion des risques et Maître Côme Landivier qui est avocat du permis de conduire. Alors Maître, votre domaine d'intervention d'une manière générale, quels sont les cas que vous voyez les plus souvent concernant le permis de conduire ? Un avocat spécialisé dans la matière, ou du moins dont l'activité dominante est celle-ci, celle du permis de conduire, intervient surtout à la suite d'une contravention ou évidemment ou un délit routier. Donc on distingue 5 classes de contraventions, hein, ça va du stationnement non réglé jusqu'à l'excès de vitesse de plus de 50 km/h et au-delà les délits routiers, hein, notamment le délit de fuite, le refus d'obtempérer, etc. Et puis il y a des cas de récidive et surtout, on le sait, l'alcool. Hein, les excès de, et puis la récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h constitue un délit. Voici les interventions de l'avocat. Et puis, évidemment, il y a aussi la gestion, entre guillemets, du permis à points, c'est-à-dire la revalidation de celui-ci lorsque l'administration a commis une erreur. Il est tout à fait possible de faire des démarches, notamment gracieuses, et qui prennent un temps relativement court, je parle de 1 mois et demi, 2 mois, pour voir revalider son permis en faisant une requête gracieuse auprès du ministère de l'Intérieur, qui est compétent, puisque c'est celui-ci qui a la tutelle du fichier national du permis de conduire. Voilà. Ah, maître, je reçois une contravention, je ne suis pas d'accord, je suis un peu énervé. Quelle est la première démarche? D'abord, regarder s'il y a des délais, prendre la tâche d'un avocat. Comment ça se passe? Alors, quelle est la procédure? Pas toutes les contraventions, et heureusement, ne nécessitent l'aide d'un avocat. En revanche, se désénerver dans un premier temps, et ensuite regarder ce qu'il y a dessus, vérifier les mentions substantielles de l'avis de contravention, qui sont la date et le lieu de la contravention que l'on nous impute, vérifier s'il s'agit par exemple d'un excès de vitesse, si l'appareil a bien été homologué. Bon, là on rentre un petit peu plus dans les détails, on est plus peut-être, mais il y a des choses quand même tout de même que l'on peut vérifier soi-même. Ensuite, si l'on estime que la réalité de l'infraction n'est pas établie, c'est-à-dire que soit nous n'étions pas le conducteur, ou soit que nous contestions absolument ce qui est dit à l'intérieur de cet avis de contravention. C'est-à-dire, j'ai rien fait, c'est voilà. Pas moi, quoi. Par exemple, si on est un peu dans ce oui, alors le cas le plus fréquent, typique, on va dire, c'est celui où on n'était pas conducteur, par exemple, lors de l'automobile qui est concerné. D'accord. À ce moment-là, par exemple, c'était son frère, sa sœur, etc. On a prêté son véhicule, voilà. Par exemple. Alors, il s'agit de faire une requête en exonération dans le délai de 45 jours à compter de la date de l'avis de contravention, et non pas de la réception, ce qui peut parfois poser problème, nous y reviendrons peut-être, et d'indiquer le motif. Alors c'est assez bien fait, je trouve, il y a ce qu'on appelle un modèle précisément de requête en exonération, c'est le volet 3 de l'avis de contravention que vous recevez, et qui nous permet de cocher la case correspondante, ou alors d'expliquer sur papier libre les raisons pour lesquelles nous estimons pas, c'est difficile à dire, être l'auteur de l'infraction. Allez, 02 62 99 2000, on va aller au standard, on va aller à la Saline. Alexandra est avec nous pour une question. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour, quoi l'arrivée Alexandra? Alors, rien pour le moment. Tant mieux. Au revoir Alexandra. Non, justement. Quoi l'a fait? C'est dans la crainte de, on va dire. Allez, on fait un peu de prévention. Allez. Voilà. En fait, à plusieurs reprises sur la route, donc, alors pour vous situer, donc nord-sud. On se retrouve dérangé par un motard qui a donc une moto verte foncée, un casque carbone, pour ne pas citer la marque, on m'a dit. D'accord. Et qui a des comportements qui sont vraiment inadaptés et qui nous mettent en position de danger. Et donc avant qu'il y ait un accident, pour nous ou pour quelqu'un d'autre, je voulais savoir quel était le recours, en fait. Alors... Figurez-vous que sur ce plateau, oui Alexandra, il y a Richard Barret, qui non seulement est expert en gestion des risques, mais surtout il est motard. Mais oui, mais nous aussi on est motard, c'est bien pour ça que... C'est pas une moto verte. Non, justement, je vais vérifier que ma moto soit pas verte. Alors, nous aussi on est motard, et quand on peut se rabattre, on le fait, parce qu'on sait que sur la route, voilà, on aime bien aussi laisser la place. Seulement, il y a des situations, soit de vitesse, soit d'espace, soit voilà, différents cas qui fait que on doit rester sur notre voie et on peut pas soit se mettre sur la gauche, soit se mettre sur la droite. En l'occurrence, il nous demande de nous mettre sur la droite. Et donc voilà. Et après, quand il arrive à doubler, il a des comportements vraiment inciviques. Donc et hier soir, il a vraiment pillé, quoi. Vraiment, ça valorise pas les motards. Alors, Richard, alors, on comprend bien ce type de comportement, on le voit beaucoup hein, sur la route, il faut dire les choses. Hein. Oui, c'est assez compliqué, mais madame a quand même un comportement voilà, justement, qui est civique. Elle a commencé, donc vous avez déjà commencé à faire la première démarche, c'est-à-dire prévenir un maximum de personnes. Donc, vous avez fait sur les ondes, par exemple. Ensuite, essayer de trouver un petit groupe de personnes qui pourraient attester dans votre sens. Alexandra, si vous pourriez juste couper la radio derrière vous, parce qu'on... Je l'ai coupé. C'est vrai ? Voilà. Parfait. Merci. Et ensuite faire une main courante donc au commissariat le plus proche ou alors à la gendarmerie de façon à ce que donc ce comportement soit déjà signalé par aux forces de l'ordre à partir du moment où vous avez fait toutes ces démarches là, si vous êtes toute seule, faites-le toute seule. Si maintenant d'autres personnes peuvent vous rejoindre pour faire cette main courante, ce sera encore mieux. Et la gendarmerie ou la police ensuite va prendre ses responsabilités. Si elle veut faire une intervention par rapport aux coordonnées que vous lui avez données, donc elle va le faire. Sinon elle va se poster à un endroit donné, puis je pense qu'il pourrait l'attraper pour conduite dangereuse ou mise en danger de la vie d'autrui. Mais ça, comment on va le prouver après ? Parce que le gendarme qui sera sur place, qui verra sur place donc le comportement même de cette personne. C'est-à-dire, vous avez signalé le comportement et les coordonnées de ce motard, via la plaque d'immatriculation par exemple. Et l'endroit où il sévit. On va dire ça comme ça régulièrement. Oui. Si vous êtes toute seule à le faire, c'est bien. C'est pas grave, faites-le quand même. Ce sera au moins déjà ça de prix. Si maintenant vous avez, en faisant par les ondes ou par l'intermédiaire de différents médias, réseaux sociaux ou autres, vous avez d'autres personnes qui sont d'accord avec vous, ensemble, en groupe, vous serez un peu plus fort. Comme on appelle un collectif. Et puis je pense que on va vite arrêter ce type de comportement qui est non seulement dangereux pour lui-même, mais aussi pour les autres, bien entendu. Tout à fait. En fait, la première fois, je l'avais constaté donc sur une personne qui était devant moi, et je me suis dit heureusement elle a réussi à l'éviter. Et après on peut se dire des fois il y a des urgences, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'autres personnes, donc il doit aller vite. Ok, on essaye de se pousser. Mais là c'est à plusieurs reprises, donc on se dit bon, il a un problème avec le temps cette personne, mais surtout c'est son comportement après agressif, vraiment agressif si vous faites pas ce qu'il vous ordonne, parce que c'est vraiment des gestes du coup la personne qui m'a reçue au standard m'a demandé si c'était pas une personne, un gendarme ou un policier. Effectivement, il a des gestes qui seraient assez similaires. Vous savez, quand on vous demande d'aller sur le bas-côté, donc j'espère que c'est pas... Oui, mais enfin, il n'est pas habillé en tenue d'officier, il n'a pas le pimpon, le gyrophare, un truc qui montre qu'il est en pleine activité. Non, moi je pense que c'est plus un frustré de la vie qui aurait peut-être voulu rentrer dans la gendarmerie ou la police, qui n'a pas pu. Et qui a automatiquement ensuite ce genre de comportement. De toute manière, les gens qui ont ce genre de comportement, ils ont quelque part, excusez-moi de le dire à l'antenne, mais un complexe dans leur vie. Donc, sinon, on a un comportement citoyen à partir d'un certain âge. Hein, et donc, je le dis et je le répète et je l'assume. Donc, maintenant... Alors, j'espère que ce monsieur avec la moto verte va se reconnaître. Va se calmer. Va se reconnaître et va s'adoucir, du coup. Oui, parce qu'il a été dévoilé maintenant, monsieur. Vous avez un gros problème. Richard Barret qui l'a dit. Tout à fait. Merci, Alexandra. Merci beaucoup. Et restez donc, bien prudente sur la route. Oui, voilà. Bon. Tout à fait. Belle journée à vous. Merci beaucoup. 02 62 99 2000 si vous avez envie de parler de code de la route. Vous voulez en savoir plus, qui a tort, qui a raison dans un sinistre par exemple. Vous avez des questions à poser concernant votre permis de conduire, la perte de points, la contestation de contravention, comment récupérer ces points. 02 62 99 2000 par SMS, le 06 92 70 2000. Maître, on l'a entendu avec Alexandra de la Saline qui disait oui, mais peut-être que cette personne roulait vite parce qu'elle avait une bonne raison. Quand on reçoit une contravention, par exemple, pour un excès de vitesse, est-ce que certaines... On a parfois de... Un cas de force majeure, par exemple. Alors, le cas de force majeure, c'est des tempêtes, des choses comme ça. Et concernant le code de la route, l'officier du ministère public les admet très peu. Donc, je ne considère pas parmi les points les plus utilisables. Richard ? Oui, donc sachez, justement, pour confirmer ce que vient de dire Maître Comme-Landivier, que la France est un pays de droit. Donc, qui dit pays de droit, dit donne les responsabilités à chaque corps de métier. Par exemple, si votre femme doit accoucher, vous savez très bien que vous avez donc le SAMU que vous pouvez appeler, donc les ambulances qui viendraient, les pompiers, etc. Donc, vous ne pouvez pas agir à la place de ces professionnels qui sont formés et qui sont en même temps donc aptes à faire ces interventions. Donc vous ne pouvez pas utiliser ce genre de prétexte, donc j'étais pressé ou alors j'avais un problème, etc. Parce que vous avez soit les gendarmes, soit les pompiers, soit d'autres corps de métier qui devraient le faire à votre place. On ne peut pas s'improviser héros ou alors docteur du jour au lendemain. D'accord, donc il y a vraiment des procédures et l'excès de vitesse, s'il est constaté, c'est un excès, point final. Hein, exactement. Raison, Allez, 02 62 99 2000 si vous avez des questions à poser pour répondre à vos questions aujourd'hui. Richard Barret, maître Côme Landivier, 99 2000, rendez-vous dans quelques instants. We're driving slow through the snow on Fifth Avenue. And right now, radio's all that we can hear. Now we ain't talked since we left. So overdue. It's cold outside, but between us it's worse than here. Vous êtes dans votre voiture, vous écoutez ce titre des Pussycat Dolls, vous avez envie du coup d'appuyer sur le champignon ? Non, non, non, ne le faites pas, attention, vous risqueriez de perdre des points sur votre permis, ce serait ballot. Si tel est le cas, passez un petit coup de fil aux experts 02 62 99 2000, puisque nous avons avec nous, dans nos studios, pendant encore une heure, maître Côme Landivier, qui est avocat du permis de conduire, et Richard Barret, qui est expert en gestion des risques. Toutes vos questions concernant votre permis de conduire et le code de la route au 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000, où nous avons cette question de quelqu'un qui voudrait savoir comment connaître mon solde de points. Ah, ça c'est un mot, il doit plus rester de beaucoup, peut-être, où on a des doutes, un doute, maître. Oui, alors pourquoi il y a un doute aussi, il faut expliquer, c'est qu'on change d'adresse et que le certificat d'immatriculation parfois n'est pas mis à jour. Alors c'est une obligation qui est faite à l'automobiliste, mais parfois c'est pas fait parce qu'on pense à autre chose. Et donc il y a des avis de contravention qui sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation, sauf que c'est envoyé à une adresse antérieure à laquelle il n'habite plus. Alors notamment à La Réunion, ça pose problème lorsqu'on vient de métropole. On se retrouve donc avec des avis de contravention, petits excès de vitesse, un point, deux points, un point, un point, et on arrive effectivement parfois un solde de points qui est quasi nul, voire nul. Comment savoir pour quel est notre nombre de points au jour actuel ? C'est très simple, on se rend soit à la préfecture ou sous-préfecture, donc Saint-Paul, Saint-Denis ou Saint-Benoît, Saint-Pierre. On sollicite ce qu'on appelle un relevé d'information intégrale qui nous permet à la fois de connaître le nombre de points et en plus l'historique du permis de conduire, c'est-à-dire toutes les contraventions qu'on aurait commises et qui auraient occasionné des pertes de points. Mais ça c'est personnel, maître, hein. Je ne peux pas aller voir si mon voisin, il lui manque des points parce que j'ai envie de l'embêter, je l'aime pas. Non, d'ailleurs, ça serait délictuel, c'est un délit que de solliciter ou de se munir d'un relevé d'information intégrale qui ne nous appartient pas. D'accord. Soit on fait ça, donc, ou soit il y a un site internet, désormais, qui s'appelle Télépoints, enfin, désormais, qui existe depuis quelques années, télépoints.fr, qui nous permet, grâce à un code confidentiel, de savoir quel est le nombre de points. Alors, on n'a pas l'historique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, du permis de conduire, on a le solde de points, ce qui nous permet quand même d'aller très vite depuis le travail ou depuis son domicile, de connaître son nombre de points, c'est très pratique. Alors, beaucoup de personnes vont se dire, mais moi, je préfère pas y aller, parce que si je vais regarder et qu'on sait que j'ai, que je connais du coup mon solde de compte, on va dire ça comme ça, de points, ça va me poser problème après. Vrai ou faux ? Non, au contraire. Il vaut mieux être informé de la situation pour prendre les devants, voire faire des démarches pour récupérer un permis, plutôt que de laisser une situation s'aggraver. Donc, allez voir quel est votre nombre de points, le cas échéant, consulter un professionnel. Richard, par rapport à ça ? Oui, tout à fait, donc je suis d'accord. C'est vrai qu'à une certaine époque, on n'avait quand même pas d'avocat sur l'île, par exemple, comme Maître Comelandivier, qui aurait pu faire, nous permettre de faire ce genre de démarche. Ouais. Donc les gens avaient vraiment peur et on leur disait, oui, faites attention, parce qu'à partir du moment où vous avez découvert votre nombre de points, l'État aussi l'aura découvert et on va vous demander de restituer. Sachez qu'en fonction de ce qui se passe, vous avez aussi la possibilité, donc, avec, soit par l'intermédiaire de l'avocat, ou alors aussi de faire, avant la notification de restitution du permis de conduire, la possibilité de faire encore un stage de récupération de points. Et peut-être de récupérer à ce moment-là 4 points. Donc il vaut mieux être maintenant au courant, informé le plus tôt possible pour pouvoir récupérer ce point ou ces permis. Mais maître, d'une manière générale, là, s'il nous reste 0 point par exemple, personne nous informe qu'on ne peut plus rouler ? Évidemment, on doit être informé. Il y a ce qu'on appelle la lettre 48SI qui nous informe de l'invalidation de notre permis de conduire à la suite d'un solde de points nuls. Cette lettre-là, si vous ne l'avez pas reçue, vous n'avez pas été notifié, puisqu'il s'agit d'un acte administratif, logiquement, vous pouvez encore faire justement le stage de récupération de points dont parlait Richard. Donc ça, c'est intéressant. Mais effectivement, dès lors que vous recevez cette 48SI qui vous est envoyée par recommandé, vous la réceptionnez, à ce moment-là, il sera trop tard pour faire un stage. Donc, justement, allez voir votre solde de points et faites vite un stage si nécessaire, plutôt que de laisser courir une situation, comme je le disais. Voilà, justement, et notamment si on est professionnel, qu'on a besoin de son véhicule. Bon, si on habite à côté de son boulot, ça pose des soucis d'organisation, mais enfin, c'est moins compliqué que si on est professionnel de la route, par exemple, et qu'on a besoin de son permis. Aujourd'hui, le stage de récupération, Richard, comment ça se déroule ? Qui peut le faire ? Où ? Et à quel moment c'est intéressant ? Alors vous avez donc dans des centres agréés, donc ça peut être une auto-école, à condition que le directeur de l'auto-école ou un de ses employés donc soit habilité à faire ses stages de récupération de points. Donc soit il a un BAFM, soit il a un BAFCRI, ce sont des diplômes d'animation pour la formation des moniteurs ou pour la formation des stages de permis à points. Ce stage dure 2 jours, il coûte en moyenne 250 €. Et donc à l'intérieur de ce stage, vous allez avoir donc le formateur et un psychologue qui sera donc agréé aussi formation pour récupération de points, dans lequel vous allez avoir donc différents sujets concernant la sécurité routière, notamment la conduite en état d'alcoolémie, les excès de vitesse, etc. Tout ce qui est comportement dangereux. Ces stages sont de plus en plus intéressants, donc maintenant les personnes qui ont fait ce stage reviennent en étant satisfaits. Ils trouvent que donc c'est quand même assez ludique, il y a quand même un très bon échange, et ils sont revenus avec des informations qu'ils n'avaient pas. Est-ce que ça peut faire pour certains une sorte d'électrochoc ? ce que disent enfin, la grande majorité des gens, un électrochoc. Un électrochoc quand il te reste un point déjà, mais grâce au stage. Voilà, donc bon, c'est ce qu'on espère. Alors souvent, le problème, c'est que l'être humain a une particularité, c'est qu'il a la mémoire très courte. Donc ça peut faire un électrochoc, c'est-à-dire aujourd'hui, il est très content, il a appris beaucoup de choses sur la sécurité routière, le comportement routier, etc. Mais dans deux mois, il aura pratiquement tout oublié, puis le naturel revient au galop. Mmh. Donc c'est là où il y a un manque, où on devrait peut-être refaire une petite piqûre de rappel de temps en temps, qui permettrait à la personne de garder son électrochoc. Donc voilà, c'est un petit peu le manque qu'il y a. Mais en effet, oui, toute personne qui sort de là, en plus du point qu'ils ont perdu, enfin ouais, des points qu'ils ont perdus, sont très très satisfaits souvent maintenant de ce stage. On va aller faire un tour à la possession. Au bout du fil, il y a René. René et ses trois petits points sur son permis. Bonjour René. Bonjour. Ou rire alors. Ben, mais oui même. René, quoi l'arrivée à quoi j'irais ça aux trois points? Ben écoute, la première fois, on avait comment ça s'appelle? Est-ce que vous avez dit à possession? Oui. Non, mais Saint-Benoît. Ah, autant pour moi. Mais les trois points, c'est ça même. Oui. Bon, ben voilà, donc on m'a pas trop trompé alors. Attends, Nao. Donc, mi-décembre, mi semaine, madame travaille. Oui. Et sur le, comme tu as préféré les travaux, entre sur la route de la 4 voies de Chambonne. Oui. Et à un moment donné, tu es à 110. Même pensé, mais tu es encore à 110. Oui. Et une énemette deux jours avant, 90. De motard couché à moi. Le midi, il m'était fini de prendre un petit. C'était un petit repas à nous a fait en camarade. Ma bille devait être 20, mais il ne cache pas dire. Bah oui. Au point où nous et sommes fin arrivés. L'escorte à moi. L'escorte à moi. Ah ouais? La honte de ma vie. Ah bah oui, je veux bien croire. Devant deux mounes, tout ça? Quoi? Ouh là tout là. Le monde, ma vie? Ouais. Là, je compte à moi jusqu'à la gendarmerie de Saint-Benoît. Et après, demain, oui, on va souffler à dents. Après, ils ont notre appareil, il est soufflé. M'avait de, 0,25, 0,22. Oui, oui. Donc, madame, t'es avec moi. Ouais. La honte de sa vie. Aussi, bah, tant qu'à faire. Elle y partait travailler. La loupe son boulot. Oui. Ma désote, madame, ça travaillait. Est-ce que mes... Elle dit non, pas question. Et après, là, comment faut dire ça? Midi, il n'est pas possible. Comment ce type peut faire une affaire comme ça avec un monde? Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions, René? Ben, ma question, c'est que pourquoi je l'ai fait ça? Pourquoi les panneaux n'étaient pas indiqués? Ma partie, ouais, même il habite à côté de la DDE Saint-Benoît. Ma partie voir des deux. Demain, ils viennent mettre. Mais pourquoi ils ne mettent pas un grand panneau pour dire, indiquer, ou sinon, c'est sûr que partout là, après ces grands panneaux qui indiquent que la vitesse est limitée à 90 km/h. Alors, moi, justement. Moi, j'étais à 110, hein. Ouais, au lieu de 90, du coup. Mais il ne mentit pas, hein. Oui, crois ou bien, hein, René. Hein. Mais il peut servir d'exemple pour les autres par la suite, hein. Alors, Richard, il y a des travaux. D'habitude, c'est à 110. Là, c'est à 90. Je passe, il n'y a pas de panneau. Alors, je me fais choper pour excès de vitesse. Non, normalement, s'il n'y a pas de panneau de limitation de vitesse, la vitesse reste à la vitesse à laquelle on est soumis d'habitude. Habituellement. D'accord. Donc là, je pense qu'il y a Maître comme Landivier pourra nous le confirmer tout à l'heure. Il y a forcément un recours à faire. Je doute qui. M'a pas fait, m'a payé. Bon, ben voilà, donc là c'est grillé. Maintenant, concernant l'alcool. Il rembourse pas ça si on a payé quand même, non? Ah non. Okay. Non, puisque le paiement de l'infraction, de l'amende, vaut non plus contestation. C'est l'inverse, vaut reconnaissance de l'infraction. Hein. Oui, il nous comprend, René. Le paiement vaut reconnaissance de l'infraction dès lors que c'est payé. Et c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier les informations substantielles sur l'avis de contravention pour savoir est-ce que je paye ou est-ce que je conteste. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord. Voilà. Donc on peut pas vous sanctionner pour une infraction qui n'a pas été précisée au préalable. C'est-à-dire, si vous êtes limité à 90 et qu'il n'y a aucun panneau qui précise que c'est 90, surtout que si vous êtes sur une 2x2 voies séparées par un terre-plein central, donc les prescriptions générales relatives à la vitesse disent que vous êtes limité à 110. Donc s'il n'y a pas un panneau temporaire pour 90, on peut pas vous sanctionner pour ça. Bon, maintenant, là, reste à prouver cela. Concernant l'alcool, mon cher René, donc automatiquement, si vous êtes à 0,25 mg par litre d'air expiré, ça correspond à 0,5 g par litre d'alcool dans le sang. Ce qui correspond donc à 2 verres de vin à peu près, donc dose de restaurant bien entendu. On a bu une bouteille à deux. Ça fait plus que 2 verres ça par personne. Hein oui, donc vous étiez à mon avis soit alors parce que le pic d'alcool atteint son enfin l'alcool atteint son pic, l'alcoolémie atteint son pic une heure après le dernier verre. Donc à mon avis, s'ils avaient attendu avant de vous faire une alcoolémie, vous auriez été bien plus que 0,5 qui est une infraction, vous auriez été dans un délit, c'est-à-dire à plus de 0,8 hein, parce que déjà à partir de 2 verres, c'est 0,5 g par litre de sang. Donc, vous l'avez échappé belle, on pourra dire. Donc là, du coup, on ne peut pas vous laisser reprendre la route. Vous savez très bien que déjà, à partir de 0,3 g, vous avez plus de 5 fois plus de risque d'avoir un accident que si vous étiez à jeun. Mais... Non, moi, c'est Richard Barré. Appelle-lui Richard, René. Barré, monsieur Richard Barré. Oui, je vous écoute. Ben pourquoi se t'y vendent l'alcool ? Oui, ben alors ça c'est un autre débat, René. Hein, ouais. Ah, du coup. Alors dans ce cas, pour ceux qui font mais des excès de vitesse, bien sûr, mais pour ceux qui font des excès de vitesse, on pourrait dire mais pourquoi ils vendent des voitures ? Ben oui. Vous René, comprenez bien. Boire, il faut pas boire. Pas. Elle a son PMI, mais elle n'a pas conduit à ma voiture. Ah ben voilà. Ben voilà. Ben la prochaine fois, boire plus, René. Les bons. Il reconnaît à moi sur la route, mais on a une limousine. Ah ben super ça. Sauf qu'il reste à vous 3 points, donc fais gaffe. Hein. René, m'y embrasse à vous. À bientôt. Allez bisous. Merci beaucoup. Bye bye. Donc là, on l'a entendu, hein, maître. On conteste ou on paye, mais une fois qu'on a payé, c'est trop tard. Il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. Oui. Il faut faire attention. Et là, donc, s'agissant de cet auditeur qui a plus que 3 points, donc si c'est bien la suite des deux infractions qu'il vient de nous mentionner, ça commence à être dangereux, puisque 3 points, on les perd très rapidement. Hein. C'est par exemple un téléphone portable, tenu en main, c'est un sens interdit, c'est 4 points, donc ça peut aller très vite. Donc là, je lui recommande fortement de faire un stage de récupération de points afin de récupérer 4 points, ce qui lui permettra d'arriver à 7, et ensuite de retrouver ses 12 points, s'il se tient parfaitement bien sur les routes, après un délai de 3 ans sans aucune infraction. Alors, on ne va pas contester le fait, et même René hein, ne le conteste pas, bon, il avait bu hein, une bouteille de vin à deux lors d'un repas, donc là, du coup, c'est cuit, c'est mort. Par contre, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est quand il dit, bon voilà, ils m'ont emmené au poste et tout, j'ai eu la honte de ma vie devant tout le monde et tout. C'est la procédure normale, ça ? Il n'avait pas fait ça un peu, non ? Moi, ça je pose la question, ça vous choque, Richard ? Non, pas du tout. Mais en fait, vous pensez bien que la personne donc, est en état donc, d'alcoolémie au volant. Il va falloir quand même, à ce moment-là, donc, il a d'abord été positif au premier test d'alcoolémie, d'accord, c'est-à-dire l'éthylotest. Donc à ce moment-là, l'éthylotest, il n'est pas précis. Il va vous dire, voilà, vous êtes plus ou moins à 0,5. Voilà. À ce moment-là, tout à fait. Donc à ce moment-là, la chose à faire, c'est d'apporter la preuve. La preuve, donc, c'est un gros appareil que seul la BMO peut le transporter, donc les brigades motorisées qui sont spécialisées dans la sécurité routière, dans la gendarmerie, qui peuvent transporter cet appareil. Sinon, vous l'avez donc directement à la brigade. Là, vous êtes obligé d'emmener cette personne à la brigade pour pouvoir faire avec l'éthylomètre. C'est un gros appareil dans lequel vous allez souffler, qui va mesurer exactement combien d'alcool vous avez donc par litre d'air expiré. Mmh. Et vous multipliez par 2 pour savoir combien d'alcool, de grammes vous aurez par litre de sang à ce moment-là. Donc ça correspond à 0,5 le premier taux infractionnaire et 0,05 g par litre de sang qui correspond à 0,25 mg par litre d'air. Et attention à tous ceux qui ont moins de 3 ans de permis, à partir de 0,20 g, vous êtes déjà en délit d'alcoolémie, c'est-à-dire un seul verre, uniquement un seul verre et vous êtes en infraction d'alcoolémie. Tout simplement parce que déjà sachez que vous avez environ 0,150 g d'alcool par litre de sang dans le corps, même en étant à jeun. Pourquoi ? Parce que vous avez du sang, du sucre dans le sang qui fermente et qui crée de l'alcool. Donc si vous mangez ensuite, en plus de cela, des petits bonbons à base de liqueur, des chocolats, etc., et que vous avez moins de 3 ans de permis, vous risquez de vous retrouver à plus de 0,20 g par litre de sang. Voilà, donc il faut faire attention. Faut faire très attention. Pour revenir sur le cas d'Eric, hein, pour être de René, pour être bien, bien complet, Eric, c'est une question par SMS, on va la poser dans un instant. Le fait de recevoir une contravention, parce qu'on fait un excès de vitesse, mais il n'y a pas de panneau, on ne sait pas. Ça, ce sont des cas que vous recevez souvent, maître ? C'est pas souvent, puisque encore faut-il que les circonstances soient réunies. Donc, c'est pas tous les jours qu'il y a des travaux sur les portions de la Réunion. Mais c'est tout à fait effectivement un cas sur lequel, à ce moment-là, il y aurait un recours à faire. Puisque l'excès de vitesse ne peut être constaté qu'à condition que l'automobiliste, effectivement, avait eu connaissance de la limitation de vitesse sur la portion de route sur laquelle il se trouvait. Voilà. Donc ça, c'est important. Hein. Oui, puisque tout à l'heure, on parlait d'une portion de route qui est, selon le code de la route, limitée à 110. Dès lors qu'il n'y a aucun panneau qui vient de limiter encore davantage cette limite, et en l'occurrence à 90, le conducteur n'est pas informé que c'est à 90. Alors, on se retrouve dans des recours un petit peu compliqués, puisqu'il va falloir prouver qu'effectivement, ce panneau ne se trouvait pas là. Surtout si deux jours après, il met un panneau. Exactement. Donc, faire des démarches, le plus souvent, le jour même ou le lendemain, soit avec des photos personnelles, mais le mieux, et ce qui va emporter la conviction du juge, ce sera évidemment un acte d'huissier de justice, un constat d'huissier. Donc il y a un certain coût, etc. Donc il va falloir peser aussi le pour et le contre de la contestation. Mais enfin, ceci étant, on retient que si on veut contester, on ne paye pas. Hein. Sinon après, c'est cuit. Hein. Ça, c'est très important. C'est sûr, oui, tout à fait. Allez, 02 62 99 2000, on revient dans quelques instants avec nos experts, Maître Côme Landivier, qui est avocat du permis de conduire, et Richard Barret, expert en gestion des risques. Le club de la presse sur Réunion Première. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble, voir ce qui fait l'actualité à La Réunion et puis le commenter avec nos confrères de la presse locale, presse écrite et presse en ligne. Le club de la presse tous les mardis à 18h15 sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. On l'a vu dans le cas de René qui nous appelait de Saint-Benoît. C'est marqué, la limitation est à 110. Ils font des travaux, ils mettent à 90. Bon, du coup, excès de vitesse. Vous vouliez revenir par rapport à cette question, Richard, sur les prescriptions générales. Tout à fait, oui. Alors, les prescriptions générales relatives à la vitesse, c'est tout simplement, donc, même quand vous n'avez pas de panneau, nul n'est censé ignorer les lois, surtout quand vous avez passé votre code de la route. Vous êtes censé savoir à quelle vitesse vous êtes limité. C'est-à-dire que si vous êtes en agglomération, donc en ville, règle générale, voilà. Tout à fait. C'est 50 km/h. Quand vous êtes hors. C'est-à-dire que ça veut dire, Richard, que même s'il n'y a pas de panneau, comme on est en ville, tout le monde sait que c'est à 50. C'est ça que ça veut tout dire. À fait. Donc on ne peut pas dire, ah, mais il n'y avait pas de panneau, je ne savais pas, je pensais que c'était à 90. Exactement. Alors sachez quand même qu'en agglomération, vous avez ce qu'on appelle des modulations de vitesse. Vous avez deux modulations, 70 km/h pour les boulevards ou 30 km/h. Pour les écoles ou les proximités de lieux sensibles comme cela. Alors donc, ensuite, vous êtes hors agglomération à double sens de circulation. Vous êtes limité donc à 90 km/h et quand il pleut, c'est 80. Donc un gendarme peut très bien mettre un radar en période de pluie et vous attraper pour excès de vitesse à plus de 80 km/h par exemple. Si vous êtes sur une 2x2 voies séparées par un terre-plein central, donc une 4 voies, c'est 110 et quand il pleut, c'est 100. Et si vous êtes sur autoroute, c'est 130 et quand il pleut, ce sera donc 110. En règle générale, on enlève 10 km/h, sauf autoroute, c'est 20, et l'agglomération, on laisse à 50. Voilà, comme ça au moins, on ne pourrait pas dire, je ne le savais pas. Exact. Comme on vient de leur dire. 02 62 99 2000, si vous avez des questions à poser concernant le permis de conduire ou encore le code de la route, Eric de Saint-Leu, lui, a choisi le SMS, le 70 2000, pour poser sa question. Il nous dit qu'il a reçu une amende pour stationnement, alors que c'est sa femme qui avait la voiture ce jour-là. Les papiers sont à son nom, à lui, et actuellement... Eh bien, ils ont des difficultés pour se parler, voire ils ne se parlent plus du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne veux pas régler le montant de l'amende, 135 euros, Eric de Saint-Leu. Madame a la voiture, mais les papiers sont à son nom. Et visiblement, ils sont en pleine séparation. Maître. Oui, alors il y a toujours cette possibilité-là de dire qu'effectivement, ce n'est pas lui qui a commis cette contravention de première classe, hein, de stationnement non réglé. En revanche, sachez que s'agissant du stationnement, il y a une responsabilité pécuniaire. C'est pour ça qu'il a reçu l'avis de contravention à son domicile, c'est en qualité de titulaire du certificat d'immatriculation et non pas son épouse, puisque par définition, c'est... Voilà, on appose, alors maintenant avec les procès-verbaux électroniques, on n'appose même plus le papillon sur le pare-brise, hein, vous le savez, c'est les boîtiers électroniques. On ne sait pas qu'on a a commis cette infraction jusqu'à ce qu'on reçoive l'avis chez soi. Donc deux possibilités, soit il conteste et effectivement il dénonce la personne qui semble être responsable de cette contravention, soit il paye lui-même cette contravention, mais sachez que s'il ne fait rien, ce sera bien lui qui sera responsable, puisqu'il y a une responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise. Mais est-ce que ensuite, madame devra dire oui, c'est moi, ou si vraiment ils sont vraiment dans une situation difficile de couple, elle dire bah non, moi je suis pas au courant, tant pis pour toi, débrouille-toi. On va rentrer Alors, dans moi, la guerre. Moi, hein, il me semble qu'effectivement, si on rentre dans une guerre comme ça, il va y avoir des dénégations de l'épouse, etc. Le juge de proximité peut être saisi de cette affaire. Et en cas de non-possibilité pour l'époux de prouver que c'était pas lui, il y aura cette fameuse responsabilité pécuniaire qui va s'appliquer. Ça risque d'être lui, en qualité de titulaire de certificat d'immatriculation, qui sera reconnu comme étant redevable de cette amende-là. Alors du coup, pour éviter les choses, il faudrait peut-être conseiller à Eric de remettre la situation bien comme il faut. Là, soit là, tout est au nom de madame et puis elle garde la voiture, ou alors il faut faire quelque chose, parce que du coup, dès qu'elle va faire une infraction quelque part, tout va arriver chez lui. Il est possible à tout moment de faire une déclaration autre du certificat d'immatriculation à la préfecture ou sous-préfecture de son domicile, d'indiquer quel est effectivement, le mieux dans ces cas-là, c'est d'indiquer quel est l'utilisateur, le conducteur qui va utiliser réellement le véhicule en cause, pour éviter tout problème, évidemment. Richard, un petit conseil pour Eric de Saint-Leu ? Oui, non, c'était... À part de régler ses problèmes avec son épouse, bien sûr. Voilà, donc là, c'est vraiment un problème matrimonial plus qu'autre chose. Maintenant, les 135 euros, à mon avis, il vaut mieux pour lui qu'il les paye, parce que de toute manière, c'est un stationnement très gênant, donc, comme vient de le préciser, et ça risque d'aller beaucoup plus loin. Donc, vaut mieux, comme c'est sur son nom, vaut mieux qu'il le règle maintenant et qu'il règle ensuite ses problèmes avec son épouse, et surtout, soit alors il lui laisse plus la voiture. Ouais, c'est ça, ou qu'il règle les choses. Parce que ça va s'aggraver encore plus. À mon avis. Enfin, le technicien qui est un homme en face nous dit « c'est sournois, elle l'a fait exprès ». J'osais pas le dire. Oh non. Mais si vous pensez ça, Richard, c'est pas bien. Allez, 02 62 99 2000, n'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant le permis de conduire, le code de la route. Si vous voulez contester une contravention, comment le faire, dans quelles conditions, quelle démarche. Maître Com Landivier est avocat du permis de conduire, et Richard Barret, expert en gestion des risques, sont nos invités, nos experts de ce mardi. Non. Qu'elle a rassemblé, nous déoulever pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Qui a nous déoulever pour finir ensemble. Et si n'est la moisson, dis-nous qu'elle va rassembler. Nous déoulever pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Nous va rassembler. Catherine pour moi, ou va rester. Oui, nous va rester complet. L'amour qui est moins nana. Si mon cœur ou la bosse tombe, ça nous secret. Un feeling surnaturel, beauté naturelle. Sans mou, elle est comblée. Bien nous déoulever pour finir ensemble. Si n'est n'a l'amour des si nous qu'elle a rassemblé. Nous déoulever pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Bien nous déoulever pour finir ensemble. Et si n'est n'a l'amour sans dit nous qu'elle va rassembler. Nous déoulever pour finir ensemble. N'a fini ensemble. De ta vie, je te le dis, ouais. Accompagne mes sentiments les plus vrais. Je ne suis que la flamme de ton esprit, ouais. Si je m'éteins, tu disparais à jamais. Si vous devez vivre sans moi, si vous voulez tenir mon main, baby, on va finir sans moi. Yeah. Bien nous déouler c'était Maïko sur la première. Jusqu'à 11h30, eh bien, nous parlons de votre permis de conduire, du code de la route, la perte de points sur votre permis. Il vous en reste 3 comme René. Eh bien, que faire? Nous appeler 02 62 99 2000. Vous voulez contester une contravention? Comment faire? Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions 02 62 99 2000 par SMS au 70 2000. Juste pour terminer sur le cas d'Éric de Saint-Leu, Maître Combe-Landivier voulait revenir sur le montant de son amende, 135 euros pour un stationnement. Si c'est 135 euros un stationnement, c'est vrai que c'est, il faut préciser les choses. C'est soit un stationnement dit très gênant, c'est-à-dire depuis la réglementation de juillet 2015, c'est les stationnements sur les voies telles que les voies de bus ou alors sur le trottoir ou encore sur un passage piéton. Là, on appelle un stationnement très gênant. Ou alors, il y a cette disposition qui est plus vieille, elle, qu'il s'agit du stationnement dangereux, et c'est-à-dire que l'automobiliste s'est garé tout à fait imprudemment, soit en côte, soit dans un virage, ce qui empêche la visibilité des autres conducteurs. Voilà, donc là, c'est pour expliquer le montant, donc ce montant de 135 euros. Pour les deux contraventions que je viens de décrire, c'est des contraventions de forfaitisées à 135 euros, mais si l'on ne fait rien, si l'on ni on ne conteste, ni on ne paye, c'est majoré à 375 euros. Et enfin, le juge de proximité peut condamner la personne en question à une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros. Donc, faire les choses, et là, dans son cas, moi, je l'inciterai tout de même à dénoncer la personne, puisqu'il estime ne pas être l'auteur de cette infraction qui est relativement grave. Voilà. Tout est relatif, mais c'est un stationnement plus grave évidemment qu'un stationnement simplement pour non-paiement De Parkmed ou ce genre de choses. Évidemment, il y a des gradations tout de même dans les contraventions. On se donne rendez-vous juste après le journal de France Info et ensuite on continue avec vos questions au 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000 jusqu'à 11h30. Eh bien, nous parlons de votre permis de conduire, également du code de la route. La perte de points sur votre permis, la contestation de la contravention. On a également cette question de Marie par SMS. On en parlera, Marie, après le journal. Comment contester un PV au 99 2000. Rendez-vous juste après le journal. Il est 11h sur la première. L'info, c'est avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie, bonjour à tous. C'est l'image de la nuit, elle est très inhabituelle. Des centaines de policiers rassemblés en plein Paris pour manifester leur ras-le-bol face aux agressions et au manque de moyens. On y revient dans un instant. La pagaille cette nuit pour des milliers de passagers de la SNCF. Un suicide sur une voie a déclenché des retards en cascade. Comment faire face à l'absentéisme des profs dans l'éducation nationale? Un très vieux problème. La ministre annonce ce matin des nouvelles mesures. On va y revenir. Et le football, Monaco, le club le plus russe du foot français, joue ce soir à Moscou en Ligue des Champions pour un match pas tout à fait comme les autres. Récit à Moscou dans quelques minutes. France Info. Et on commence donc avec cette manifestation inédite de policiers. C'était cette nuit en plein Paris. Ils étaient 500 venus de toute l'Île-de-France, des fonctionnaires en civil pour un cortège étonnant, des policiers en service ou pas, qui ont commencé par se rassembler à l'appel d'un SMS devant l'hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement où leur collègue victime d'un cocktail Molotov à Viry-Châtillon est toujours hospitalisé. Ils ont ensuite pris la direction des Champs-Élysées. L'avenue a été partiellement bloquée pendant quelques dizaines de minutes. Mathilde Lemaire était avec eux cette nuit pour France Info. Un appel lancé par SMS et les policiers convergent nombreux vers l'hôpital Saint-Louis vers 23h. À l'intérieur, leurs collègues toujours dans le coma après l'attaque au cocktail Molotov du 8 octobre. Moment de solidarité solennel, dans la discrétion, certains fonctionnaires ont le visage caché. Les 200 véhicules quittent les lieux avec gyrophares, direction à vive allure les Champs-Élysées. La colère des fonctionnaires là éclate contre certains juges, contre leur hiérarchie et même contre leurs représentants. Il n'y a pas syndicat ici, on n'en veut pas. Les syndicats, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose, ils obtiennent un petit avantage pour eux et nous, on n'a rien. On en a marre d'être des pions, on a marre qu'on nous mette n'importe où juste pour faire du chiffre, pour que les grands responsables chez nous touchent des primes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On en a marre de se faire cramer par des sauvageons. À deux reprises, la semaine dernière, des policiers ont déjà organisé dans l'Essonne de tels rassemblements nocturnes, sauvages, contournant leurs devoirs de réserve, plus le choix, dit ce gardien de la paix anonyme comme tous les autres. La pression monte et ça éclate. Depuis les attentats, on nous demande de plus en plus d'être sur le terrain. Avec l'émission Vigipirate, il faut qu'on soit de plus en plus présent. Il faut vite qu'on ait du renfort physique et du renfort matériel parce qu'on n'a plus les moyens d'agir. 1h45 du matin, dispersion. Les policiers en service regagnent leur poste. Les autres rentrent chez eux, impatients d'entendre la réaction du ministre de l'Intérieur. Mathilde Lemaire avec les policiers cette nuit à Paris. C'est une très longue nuit que viennent de vivre près de 12 000 voyageurs de la SNCF. Ainsi suicide sur les voies près de Tonnerre dans l'Yonne a provoqué des retards en cascade pour une vingtaine de TGV et de trains Ouigo entre Paris, Lyon, Marseille et Montpellier. Florence, par exemple, une étudiante de 20 ans, est partie de Lille en tout début de soirée. Elle n'est arrivée à Lyon qu'à 4 heures ce matin. Je monte dans mon train normalement. On arrive à Charles de Gaulle, que le Ouigo devait faire une escale à Charles de Gaulle, puis faire Charles de Gaulle Lyon-Pardieu. Et en fait, quand on arrive à Charles de Gaulle, on nous explique qu'on va faire une escale inhabituelle, exceptionnelle, à Marne-la-Vallée, et qu'à Marne-la-Vallée, on va devoir descendre du train pour prendre un autre train. Et en fait, c'est là que la galère commence, parce qu'on réalise qu'à Marne-la-Vallée, il y a plein d'autres voyageurs. Il y en a qui attendent déjà, qui sont déjà assis par terre. Et là, on réalise qu'on n'a pas de train. Moi, je suis partie, il devait être quoi, 1h30 de Marne-la-Vallée. J'ai attendu, j'ai discuté avec des gens, j'ai tourné en rond. On a reçu des SMS, en fait, nous informant « Votre train accusera un retard de tant d'heures à destination » et on a des informations peut-être toutes les heures. Moi, je savais que j'arriverais à peu près à avoir 4-5 heures du matin, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Et la direction de la SNCF a précisé que le trafic a repris progressivement à partir de 23h30 après 4 heures d'interruption totale. Comment mieux assurer le remplacement des profs absents ? La ministre de l'Éducation nationale doit annoncer ce matin de nouvelles mesures. Selon la FCPE, la première fédération de parents d'élèves, depuis la rentrée, 5000 journées de cours ont déjà été perdues à l'école en France, faute de remplacement des profs absents. Solène Nehen. Ce qui pose problème aux parents d'élèves, ce n'est pas réellement l'absence des enseignants, c'est leur remplacement. Bruno Brisbard est président de la FCPE du Val d'Oise. Ma fille, qui est en troisième aujourd'hui, depuis le 1er septembre, n'a pas eu de cours de physique. Troisième, l'année du brevet. 7 semaines de cours sans professeur. Imaginez-vous comment nous pouvons être inquiets de la façon où ces enfants passeront leur brevet en fin d'année. Selon le ministère de l'Éducation nationale, sur une année, un élève de maternelle ou élémentaire loupe 2 jours et demi de cours, faute de remplaçant, plus d'une semaine de cours s'il est au collège ou lycée. Najat Vallaud-Belkacem va annoncer ce matin l'embauche de 1500 remplaçants l'an prochain, qui s'ajoute aux 3500 postes créés depuis le début du quinquennat, avec un effort particulier pour les académies de Créteil, Versailles et Lille. La ministre ne se gênant pas pour épingler le mandat Sarkozy qui, selon elle, a supprimé 1500 postes de remplaçants. Autre mesure annoncée, la fusion des différents viviers existants de remplaçants qui intervenaient chacun en fonction du lieu et de la durée d'absence du titulaire. Enfin, pour réduire les absences, la ministre va proposer que les formations des professeurs se tiennent non plus sur le temps de classe, mais pendant les vacances scolaires, sur la base du volontariat et rémunéré. Et la ministre de l'Éducation demande aussi ce matin qu'une plainte soit déposée systématiquement quand un personnel de l'Éducation nationale est agressé. Un rappel après une série d'incidents en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise. Hier notamment, la proviseure d'un lycée de Tremblay en France a été frappée à la grille de son établissement, sur lequel plusieurs cocktails Molotov ont été lancés par plusieurs dizaines de jeunes qui s'en sont pris ensuite aux forces de l'ordre. On en vient au football, Jean-Christophe, avec la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Lyon reçoit le leader de son groupe, la Juventus Turin, et Monaco joue ce soir à Moscou sur la pelouse du CSKA, un match pas comme les autres pour l'AS Monaco et surtout pour ses dirigeants, puisque Monaco, c'est le club le plus russe du foot français. À Moscou, pour France Info, Xavier Monferrand. Le football, c'est aussi une question d'image. Alors forcément, Dimitri Ribolovlev sera bien là, dans les tribunes de la toute nouvelle Arena CSKA. Le milliardaire russe, propriétaire de l'AS Monaco, ne veut pas rater l'occasion d'étaler sa réussite aux yeux des siens. Un match particulier, y compris pour son bras droit, Vadim Vassiliev, vice-président du club. C'est même plus particulier que le match contre Zenit, parce que Moscou, c'est ma ville de naissance. Tout d'abord, ça reste un match de Ligue des Champions. On va tous faire pour apporter un résultat. À Moscou, ça ne fait aucun doute. L'AS Monaco doit sa réussite à son propriétaire russe, qui a fait du club une valeur sûre du football européen, pour l'entraîneur du CSKA, Leonid Slutsky. Les propriétaires russes, ils ont fait cette équipe encore plus forte et plus costaud. Donc vous voyez que Monaco joue en Ligue des Champions. Et moi, je pense que les supporters des Monégasques doivent être contents de ça. Et c'est bien toute la Ligue 1 qui est derrière l'AS Monaco dans cette confrontation directe franco-russe, si précieuse pour le classement UEFA, où les deux pays font presque jeu égal. Moscou, Xavier Monferrand, France Info. Il est 9h07, c'est l'heure des audiences télé avec Céline Aslot. Ça monte ou ça baisse avec les chiffres que vous venez tout juste de recevoir, Céline. Et 4 600 000 téléspectateurs suivaient hier soir un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. C'était bien sûr sur M6 devant TF1. C'est toujours la même chose le mardi. C'est souvent la même chose, effectivement. effectivement, L'amour est dans le pré, valeur sûre donc de lundi soir devant TF1 et Esprit criminel, la série policière suivie par 4,5 millions de téléspectateurs. Petit score, enfin score en baisse on va dire, pour Castle sur France 2, 3 800 000 téléspectateurs, 1 200 000 personnes devant Arte hier soir pour La Belle Époque avec Jean Gabin, et puis France 3 en toute petite forme, à peine 1 million de téléspectateurs pour le lancement de sa série documentaire intitulée Opération Élysée. Céline Asselot, on vous retrouve dans quelques minutes sur France Info. À 9h. Il est 11h08 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Eh bien aujourd'hui dans le ciel, du soleil, belle journée, crème solaire recommandée. Et obligatoire sur les plages, les cercles volcans, les plaines et le littoral conservent donc ce bon ensoleillement. Une grande partie de la journée cet après-midi, ce qu'il faudra noter, c'est la présence de quelques nuages qui bourgeonnent dans le ciel, mais sans incidence sur les précipitations. Côté température, eh bien le mercure monte 26 à Cielaos, 19 au Pas-de-Bellecombe et entre 27 et 30 sur le littoral. Belle journée avec des rafales de vent qui peuvent atteindre les 40 km/h. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Les experts sur la première, ils sont deux jusqu'à 11h30. Maître Côme Landivier qui est avocat du permis de conduire. Richard Barret qui est expert en gestion de risque. Vos questions au 99-2000 dans quelques instants. On ira au standard à Saint-Pierre retrouver Marianne qui a perdu 8 points sur son permis de conduire. Comment, Marianne, d'un coup ? Bizarre haute affaire, là. Vous poserez vos questions, il n'y a pas de souci. Également, on répondra par SMS à cette question. C'est Romain de Saint-Leu qui a été verbalisé pour excès de vitesse. Quel est le problème ? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Vous aussi, n'hésitez pas, 99-2000 pour toutes vos questions concernant votre permis à points, la perte de vos points, la contestation de contravention ou encore des questions concernant le code de la route. Ce sera dans quelques instants. 10h midi, les experts avec Isabelle Waron sur Réunion Première. Le temps pour vous de nous appeler, eh bien, nous vous laissons avec Dominique Gramoun sur la première. C'est Mathias qui vous attend au standard. Vous posez vos questions gratuitement à nos experts 02 62 99 2000. A tout de suite. Les finis et tigres de la Réunion. Un petit village là-bas la campagne. À cause de la vie, ça m'est pas si compliqué. L'itien a son métier, l'y vit sur la vie tranquille. Les finis, un petit peu de la Réunion. Dans un petit village là-bas la campagne. À cause de la vie, ça m'est pas si compliqué. L'itien a son métier, vit sur la vie tranquille. Comme on a l'été pourtant qu'ailleurs. Ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pourtant qu'ailleurs. L'idée ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pourtant qu'ailleurs. L'idée ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pourtant qu'ailleurs. L'idée ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Grand matin, il est fait bien bonnet, il pense au pire qui allait. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il est fait bien bonnet, il pense au pire qui allait. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il est fait bien bonnet, il pense au pire qui allait. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il est fait bien bonnet, il pense au pire qui allait. Il va bien écouter météo, qu'il est marré pour monter. Mmh. vie, ça m'est pas si compliqué. Les jeunes à son métier, les vivent sur la vie tranquille. Amélie Finé, un petit coin de la Réunion. Dans un petit village, là-bas la campagne. À côté sur la vie, ça m'est pas si compliqué. L'été dans son métier, vit sur la vie tranquille. Quand on a l'été bouton gaillard, l'été ça rôde la vie en mer. Mais l'été connaît pas si son ville est ancien. Quand on a l'été bouton gaillard, l'été ça rôde la vie en mer. Mais l'été connaît pas si son ville est ancien. Ramadan dit le fait bien bonnet, il pense au bureau qui a né. Il va finir goût de météo, il y a marré pour monter. Bonne nuit, bon soir, au Yanné. Les papines écoutent météo, qu'il y a marre pour monter. Grand matin, il est fait bien bonne nuit, bon soir, au Yanné. Les papines écoutent météo, qu'il y a marre pour monter. Grand matin, il est fait bien bonne nuit, bon soir, au Yanné. Les papines écoutent météo. 02 62 99 2000, les experts consacrés aujourd'hui à votre permis de conduire et au code de la route. Yeah. 14h, 16h, musique première avec Élodie Allier. Comme chaque après-midi, jusqu'à 16h, musique, détente, bonne humeur, actu, tout ce qu'il vous faut sur votre radio préférée. Musique première avec Élodie Allier, toute la semaine de 14h à 16h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Maître Com Landivier, avocat du permis de conduire, et Richard Barré, expert en gestion des risques avec nous sur le plateau de la première, les experts. Et Marianne de Saint-Pierre est avec nous. Marianne qui a perdu 8 points sur son permis. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je vous appelle parce que j'aimerais savoir... Alors, il y a quelques mois, j'ai fait un accident et étant en conduite d'état d'ivresse. D'accord. Je suis passée à mon jugement, donc j'ai eu avec comme sanction 6 points de retrait de 6 points de retrait. D'accord. Et en plus de suspension de permis de conduire. Et quand je suis passée devant le juge, on m'a dit que c'était aussi 6 points aussi. Mais là, quelques jours, cette semaine, j'ai reçu une lettre comme quoi ils m'ont retiré 8 points directement. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Ah, c'est-à-dire qu'on vous a dit 6 et vous recevez le papier, c'est marqué 8, quoi. Oui, voilà. Alors, Richard, un petit mot. Oui. J'ai signé la police sous les papiers avec la prévenant de la préfecture comme quoi j'ai été retiré 6 points. Ouais. Et quand je suis passée lors de mon jugement, c'était 6 points. Ça a été confirmé par le juge que c'était 6 points. Mais là, quand je reçois le papier, c'est 8 points. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où sortent les deux points, Richard? Alors, donc, pour bien confirmer donc, la réponse à votre question, je vais carrément lire ce que le code de la route prévoit. Donc, on vous parle d'une perte de points. Donc, en une seule infraction, vous pouvez perdre 6 points pour une seule infraction. C'est-à-dire, alcoolémie, c'est déjà 6 points d'entrée. Oui. D'accord. Bon. Ensuite, un conducteur commettant plusieurs infractions peut perdre au maximum 8 points en une seule fois. Parce que moi, je n'ai jamais fait d'effraction, en fait, c'est mon premier. Justement. Oui, alors, vous avez donc déjà le délit d'alcoolémie. Donc, 6 points sont partis. Ensuite, déjà, vous avez eu par la suite un accident. Dans cet accident, on vous a reconnu les torts, tout simplement parce que vous étiez en délit d'alcoolémie. Même si les autres n'avaient pas tort, c'est vous qui avez tort. Donc, si on vous a reconnu les torts, on aura déclaré quel tort a déclenché cet accident et on va vous retirer 2 points supplémentaires. Bien sûr, ça vaut plus de 2 points, mais comme on n'a pas le droit de retirer plus de 8 points en une seule fois, eh ben, vous avez eu donc le plafond maximum de perte de points en une seule fois, 8 points. C'est tout à fait d'accord, légal. Donc c'est légal. Tout à fait. Sur le texte de loi, c'était pas plus, ils n'ont pas le droit de retirer plus de 6 points. Ah non, non, c'est pour une seule infraction, oui. Non, ça a très bien été expliqué par Richard Barré. Hein. C'est 6 points pour une seule infraction, effectivement, contravention, notamment alcool, excès de vitesse de plus de 50 km/h, etc. En revanche, dès lors qu'on commet plusieurs infractions, le législateur, d'ailleurs, a permis quand même de sauver les permis comme le vôtre, puisque vous ne perdez 8 points et non pas 12 ou même plus. Donc c'est plutôt protecteur de l'automobiliste, cette disposition légale. Maintenant, Il y a une façon très simple de savoir quelles sont les contraventions et de vérifier cela. C'est si vous avez votre jugement ou votre convocation, par exemple, il y a les délits ou contraventions qui vous sont reprochés ce jour-là. Si vous les avez devant vous, vous pouvez nous les lire et à ce moment-là, on pourra vous confirmer que c'est bien 8 points et non pas 6. D'accord. Ben, là, je ne l'ai pas devant moi. Bon, mais a priori, de toute façon, alcool, c'est 6. Et puis, une contravention, en plus, même de 4e classe, en général, c'est 3 points. Donc effectivement, les 8 points. Alors, ce n'est pas une disposition du. Ce n'est pas le juge qui décide de la perte de points, contrairement à ce que vous avez dit dans votre énoncé. Ça se passe de manière automatique au niveau du FNPC, c'est-à-dire un service qui est sous la hiérarchie du ministère de l'Intérieur. Le juge, lui, d'accord, ne fait que vous condamner. C'est déjà une fonction très haute et à forte responsabilité, mais il vous condamne, oui ou non, sur les infractions qui vous sont reprochées. La perte de points, il ne s'en occupe pas, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Voilà, d'accord. Marianne. Et les points, ça se récupère tous les ans ? Un point tous les ans ou... Non, pas un point tous les ans. Après les infractions et les délits qui vous ont été reprochés, il va falloir attendre un délai de 3 ans pour récupérer les 12 points, à condition évidemment que vous ne commettiez aucune autre infraction entraînant la perte de points pendant ce délai de 3 ans. Autre solution, on en a parlé tout à l'heure, c'est faire tous les ans un stage de récupération de points qui vous permet en 2 jours de récupérer 4 points. Ok ? Le stage est possible tous les ans, oui. Voilà, Marianne. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Oui, maintenant vous savez. Oui. Bon, merci. Merci à vous, Marianne. 02 62 99 2000, encore quelques minutes pour poser vos questions à Maître Comme Landivier, qui est avocat du permis de conduire, Richard Barret, qui est expert en gestion de risque, 99 2000, également par SMS au 608 335. On a Romain de Saint-Leu qui nous dit qu'il a été arrêté par un motard et verbalisé depuis le mois d'avril pour excès de vitesse, mais il n'a toujours pas reçu de contravention. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ou ça veut dire que finalement, il n'y a rien ? Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien. Il faut s'en préoccuper. Dommage, Romain. Soit, effectivement, le ministère public a abandonné les poursuites, mais en général, on le sait, ça n'arrive que très rarement, voire jamais. En conséquence, moi, je lui conseille absolument d'aller chercher ce qu'on appelle un bordereau de situation des amendes pécuniaires. D'accord. C'est à chercher aux 4 rues Amiral Lacaze, puisque dans toute l'île, il n'y a qu'un seul service, une antenne du Trésor public qui s'occupe de cela. 4 rues Amiral Lacaze, et on demande un bordereau de situation des amendes pécuniaires. C'est un document administratif gratuit et qui vous est remis en présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport. Voilà, donc à aucun moment il faut se dire « Oh, je croyais que, mais finalement on n'a rien. » Alors évidemment, c'est pas, ce n'est pas parce qu'on n'a rien reçu dans notre boîte aux lettres que les poursuites ne sont pas engagées. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir multiples raisons pour lesquelles on n'a pas reçu cet avis de contravention. Donc s'en préoccuper absolument pour pouvoir réagir dans les temps et sauver éventuellement un permis. Bonjour Gabriel. Bonjour. Oui, j'aimerais poser une question. Allez-y Gabriel. Voilà. Tous les permis sont soumis à ces pertes de points. Ma question, c'est que est-ce que les personnes qui ont eu le permis avant 70 ou bien après 70, est-ce qu'ils sont soumis aux pertes des points ? Alors, même nous, on en parlait, c'est une rumeur qui est persistante et les réseaux sociaux ont largement contribué à propager cette rumeur, puisque ça n'est qu'une rumeur, Richard. Oui, tout à fait. Donc, sachez que c'est vous qui avez des points et non pas votre permis. Donc, si vous avez commis des infractions, ce n'est pas votre permis qui le commet. Donc, automatiquement, on va vous enlever à vous des points. Donc, s'il vous reste plus de points, vous n'avez plus de permis aussi, en même temps. D'accord. Quelle que soit la date du permis, tout quelle ça, que soit la d'accord. date de votre permis, depuis 1992, on a mis en place le permis à points. Tout conducteur est concerné par ce permis à points. D'accord. Ok, Gabriel, gagne pas chapé. Hein. Non. Voilà, c'était pour répondre à votre question aussi. Gagne pas chapé. Merci Gabriel. Au revoir. 02 62 99 2000. On va au port. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, voilà. Olivier. Je disais à votre collègue, j'étais sur la route, écoutez la radio et je tombe sur l'émission. Oui. Alors j'aurais une histoire à raconter, en même temps aussi quelques conseils de votre part à recevoir. Allez, on vous écoute, Olivier. Voilà, ça s'est passé il y a 3 semaines environ. 3 semaines. Je suis sorti du travail à 10h du matin. Oui. Je roule, je fais ma route, et en face de moi, il y a un 4x4 de police, quoi. Mm-hmm. Et qui est en contresens, un sens inverse. Il fait son chemin, moi je fais le mien. D'accord. Je continue à rouler, à rouler, à rouler. Arrivé à un feu rouge, j'entends le sirène de police. Donc moi, ce que je fais, je cherche la droite pour laisser passer les messieurs. Chez ce policier, il s'arrête à ma hauteur, à gauche, et il me dit « Monsieur, bonjour, votre ceinture, elle est où ?» Et moi, je regarde mon temps, je fais « Monsieur, j'ai ma ceinture. » Et là, ça a commencé pas à partir en vrille, mais un peu une histoire à péter un câble, quoi. À cause. Donc, cet agent-là, lui, il m'accuse de ne pas avoir porté la ceinture. Ouais. Et le pire, c'est que ces mots sont « Je vous soupçonne de téléphoner au volant. » D'accord. Voilà. Donc, moi, je sens du travail un peu fatigué. T'es un peu chaud. Ça m'arrive, quoi. Ouais, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je fais non, j'avais ma ceinture et tout. Lui commence à dire qu'il est assermenté et tu pas là, pas là. D'accord. Et du coup, lui, il met une amende, enfin même deux, quoi, pour défaut de ceinture. Et téléphone au volant, enfin soupçon de téléphone au volant, ça, faudrait m'expliquer. Alors, Olivier, que les choses soient claires, vous l'aviez ou pas, votre ceinture? Oui, je l'ai. En même temps, quand on me dit ça, je dis, bon, c'est manqué, moi, j'ai oublié, quoi. Donc, bah oui. Tu m'entends, j'ai ma ceinture. Et donc, l'histoire, il fait, me fait un PV pour défaut de ceinture et ma téléphone au volant. Résultat des courses, j'ai deux courriers qui viennent de Rennes. Et puis, ça compte quoi? 3 points pour 3 points, 6 points. Et moi, je suis pas d'accord, moi, je vais contester. D'ailleurs, j'allais faire la lettre ce matin, et puis je tombe sur votre radio. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je sais pas, mais bon, moi, je suis un peu pragmatique. Bon, allez. Du coup, voilà. Ouais. Maître, qu'est-ce que l'on peut... Vous avez entendu l'histoire d'Olivier. Oui, c'est... Qu'est-ce que vous avez envie de nous lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Comme pour une histoire... rocambolesque. Oui, c'est tout à fait dommageable, hein, parce que là pour le coup, lorsque vous avez l'air tout à fait sincère de nous dire que vous aviez votre ceinture et que vous ne téléphoniez pas ou que vous n'aviez pas le téléphone en main. Et ça m'arrive de téléphoner au volant, ça m'arrive des fois, mais bon. Mais pas là. Bon, mais pas là. Non, voilà, vous avez au moins là. Et donc, évidemment, il n'y a pas de soupçons qui ne tiennent. Un agent verbalisateur ne peut pas se contenter, et ça serait une erreur de sa part, et la poursuite serait tout de suite terminée, si simplement c'est un soupçon. Le procès verbal indique ce que l'agent verbalisateur a pu entendre ou voir. Voilà. Il ne peut rien faire d'autre. Et s'il y a un soupçon, à ce moment-là, il n'y a pas de poursuite qui peut être engagée. Mais le résultat est là, c'est-à-dire que vous avez reçu un avis de contravention par procès-verbal électronique, c'est pour ça que ça vient de Rennes. Et effectivement, vous l'avez rappelé, pour chacune de ces infractions, c'est toutes les deux des contraventions de 4e classe, c'est 135 euros, minoré à 90 si on paye dans les 15 jours. Mais surtout, c'est la perte de 3 points pour chacune d'elles. Donc lui, ça lui fait 6. Ça lui fait 6 points en une seule fois et pour des infractions qu'il n'a pas commises. Donc évidemment, il faut réagir. Le problème dans ces deux types d'infractions précisément, c'est qu'elles sont difficilement contestable. Pourquoi? Parce que, comme il vous l'a rappelé, cet agent verbalisateur, lui, il a une particularité, c'est que sa parole, d'une certaine manière, vaut plus que la vôtre procéduralement, puisqu'il est un agent assermenté, et que tout ce qu'il va écrire sur son procès verbal va compter plus que la vôtre. C'est terrible, mais c'est comme ça. La seule façon de pouvoir contester ce genre de contravention, c'est d'avoir quelqu'un avec soi et qui vient apporter les dénégations totalement sur les faits qui vous sont reprochés, et ensuite de solliciter d'être cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour expliquer votre cas. Mais ça va être, je vous le dis d'ores et déjà, s'agissant de ces deux contraventions, ça va être extrêmement compliqué d'aller à l'encontre de ce procès-verbal-là. Sauf à trouver un vice de forme. Alors là, on est sur autre chose, mais effectivement, il faut, je le dis aussi, un vice de forme, j'ai parlé tout à l'heure des informations substantielles que doivent contenir un avis de contravention. Si l'une d'elles est complètement erronée, ou alors que les dates ne correspondent pas, à ce moment-là, on peut obtenir la nullité de la procédure. Et c'est là où, si vous voulez, le fond du droit, c'est-à-dire la dénégation totale d'être responsable d'une infraction et la forme de l'avis de contravention se rejoignent, puisque en général, on soulève des fils de forme non pas pour s'amuser et pour tenter de se soustraire à la loi, mais justement pour que les libertés la responsabilité de chacun, ou la non-responsabilité en l'occurrence, fassent lumière. Donc en quelques mots, je suis mal barré quoi. Enfin, je suis mal barré. Ça a l'air. Hein. J'ai perdu d'avance quoi. Alors, moi, je vous conseillerais tout de même de contester. Pourquoi ? Parce que de toute façon, tant que vous contestez, la perte de points ne sera jamais faite sur votre permis de conduire. Là, en l'occurrence, on parle quand même de 6 points. Vérifiez quels sont le nombre de points qui vous sont... C'est 6 points, 3 par monde, c'est ça, 6 oui, points. D'accord, mais quel est le nombre de points actuel avant même ces... On a 12 moi, j'avais mes 12, moi. Bon, d'accord. Bon, c'est donc, déjà d'une ça. Certaine manière, le permis n'est pas en danger. C'est toujours ça aussi qu'il faut voir. Écoutez, là, effectivement, vous en ferez, oui ou non, une question de principe, à savoir si vous estimez vraiment être dans quelque c'est chose ça. Qui est une injustice totale. C'est et bien parfois c'est bon d'expliquer son cas au tribunal puisque une fois que vous aurez contesté, seul celui-ci pourra dire si oui ou non vous êtes coupable. Donc peut-être que vous auriez des choses à faire valoir devant ce tribunal et donc je vous conseille moi de contester. Et ben s'il faut perdre, autant perdre devant le tribunal parce que moi franchement j'ai vraiment rien à me reprocher. Oui ça c'est énervant hein, quand on pense avoir raison. Accepter, quoi. Ouais c'est moi, ça. Je vais faire le courrier. Après, enfin, je vais sortir du sujet. Quoi. Après, on ose dire des fois que les jeunes ils sont vraiment un peu vulgaires envers les agents. Je ne sais pas que je comprends ou je tolère, hein, loin de là. Même quand on entend ce qui se passe à Vitry-Châtillon, je ne cautionne pas, monsieur, hein, ça, je vous jure. Après, bon, faut pas vraiment, je sais pas. On vous comprend, ça, Olivier. Hein, voilà, Gladia, ou l'a fait deux affaires ou Dicou l'a pas fait. Il est toujours énervant, voilà, on comprend. Hein. Contester, il y a des voies légales pour ça. Faites-le. Ok, ben okay. Je vous rappellerai quand j'aurai de l'information. Ok, n'hésitez pas à nous tenir informés, d'accord ? C'est une super émission. Merci beaucoup. Au revoir, Olivier. Richard. Ouais, je voulais juste rajouter, enfin, d'abord, ça fait peur, parce que ça montre bien une grosse faille dans le système, quand même. Si monsieur, maintenant, je ne vais pas affirmer ce que dit monsieur, non, hein, sûr, qu'il avait la ceinture, pas, hein. etc., je ne vais pas on ni l'affirmer, pas, donc, ni l'infirmer. Voilà. Mais si monsieur a dit vrai, donc il y a un énorme problème. Maintenant, il est très important, comme vient de le rappeler Maître Combe-Landivier, sur le fait de contester. Pourquoi ? Parce que si cet agent l'a déjà fait plusieurs fois, parce que si vraiment cet agent à tort, c'est peut-être pas à son coup d'essai. Donc s'il l'a déjà fait, il est possible que on puisse voir toutes les personnes à qui il a, qui ont été victimes de ce genre d'agissement de sa part et faire le lien avec son travail et peut-être qu'il y aurait une enquête interne par la suite qui permettrait de déterminer que cet agent pose un réel problème d'éthique dans la profession des forces de l'ordre. Hein, un petit peu excessif peut-être. Donc à voir, en tout cas, le conseil pour Olivier, eh bien, c'est de contester. On va aller à la possession. Il y a Jean-Pierre qui est au bout du fil. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour à tous. Moi j'appelle, en fait, je n'ai pas de soucis de PMI. Eh bien tant mieux. C'est bien. Et bien que je roule beaucoup, parce que je fais grosso modo à peu près 50 000 km par an. D'accord. Et tout le monde dit que je roule beaucoup. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais poser à la question aux experts, que pense-t-il de la suppression du PMI à points pour la mise en place d'un livret de PMI ? C'est-à-dire le PMI actuel, il ne serait plus définitif, mais nous obligerait, nous, conducteurs, régulièrement, 3, 5, 7, 10 ans, à revenir devant un examinateur pour voir si on a toutes les aptitudes qu'il faut pour pouvoir conduire. Parce que moi, je roule tous les jours, je vois beaucoup de choses sur la route. La voiture est une arme, ça, mais maintenant, ce n'est plus contesté par personne. Les assurances font leur travail dans le sens où rechignent à donner à assurer des jeunes conducteurs des voitures trop puissantes. Ça c'est vrai. Ensuite, il y a aussi un mauvais comportement des automobilistes, ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. Voilà. La question, c'est que pensez-vous de la suppression du PMI qui est définitive par un livret de PMI qui serait comme à peu près l'équivalent de notre dossier médical. D'accord. En sachant que quand on parle de mauvais comportements, il s'agit de certains, pas tout le monde, on ne va pas te mettre tout le monde dans le même panier. Pas Richard. Tout le monde. Oui, bien quoi sûr. Quoique. Quoique. Parce qu'il y a des gens qui conduisent très bien. Ouais. Sauf que quand ils arrivent dans un parking, ils vont bouffer deux places. Il y a des gens qui voudraient que leur voiture, en fait, que quand ils rentrent dans un parking de supermarché, qu'on arrive à garer près de la porte. On ne veut pas faire 50 mètres de plus. C'est un problème de comportement. Il y a des clignotants qui s'oublient, voilà, en fait, il y a toujours un comportement qui est à voir. Ça, c'est pas de mauvais conducteur dans le sens où il n'y a pas d'accident. On comprend, mais, Jean-Pierre. Ça crée des... Voilà. On va laisser Richard Barré s'exprimer. Alors, donc, ce que vous avez dit, donc, s'il était prévu à un moment donné dans le projet Mérite de faire tous les 10 ans un petit stage en auto-école de quelques heures pour vérifier si la personne a bien garder les bons réflexes de conduite et de comportement. Comme vous l'avez dit vous-même, il y a des gens qui conduisent très bien, mais qui ont des problèmes de comportement. Donc, ça va pas changer grand-chose dans le fait où ces personnes qui conduisent très bien donc savent comment bien conduire, et quand ils vont se retrouver devant un moniteur ou un inspecteur, ils vont faire exactement ce que le moniteur ou l'inspecteur attend d'eux. Faut. Exactement. Et ils vont récupérer leur permis et repartir à refaire leur mauvais comportement, tout simplement. Donc, le permis à points est un dispositif de dissuasion qui leur dira que si vous faites des infractions, automatiquement, on va vous retirer des points plus une amende jusqu'à ce que peut-être à un moment donné, vous n'ayez plus le permis et les problèmes que cela engendre pour pouvoir le récupérer. Donc, le permis à points, c'est ce qui a été de trouver de mieux entre le projet Mérite, comme je vous disais, qui faisait donc tous les 10 ans un contrôle en auto-école, et le permis à points. On pourrait peut-être ajouter les deux, hein, mais surtout pas retirer le permis à point. Voilà, Jean-Pierre. Bon, vous avez lancé. C'est pas le permis la question. C'est pas le point qui me gêne, c'est tout simplement un permis définitif. Ça me gêne. Oui, mais justement, il n'est pas définitif. Permettez-moi d'intervenir. Le permis, puisqu'il est à 12. Il n'est qu'à 12 points finalement, et certains auditeurs nous ont appelés, nous ayant dit qu'il n'en avait plus que 3. Donc il y a une perte de points, et puis surtout il y a une invalidation du permis de conduire, donc il faut le repasser. Moi je trouve que d'une certaine manière, de ce point de vue-là, le législateur a assez bien fait les choses, il faut parfois le reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a cette répression liée à la constatation des infractions, et ensuite le rôle de prévention avec ces stages qui sont obligatoires, qui nous permettent, parfois obligatoires lorsqu'on a un permis probatoire, ou parfois volontaire pour récupérer des points. Et là, à ce moment-là, c'est plutôt le côté prévention et justement prise de conscience des risques sur la route qui est organisé. Donc, d'une certaine manière, je trouve qu'on est arrivé à un certain équilibre qui, moi, me convient. Donc, le permis, voilà, contrairement à ce que vous dites, quand même, ce n'est pas du tout un permis définitif. Hein. Au contraire, il faut le repasser quand on le perd. C'est clair. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de Bonne la possession. À vous aussi. Merci. Il est l'heure pour nous de terminer cette émission. Un dernier mot, s'il fallait retenir quelque chose d'important, si vous aviez un point sur lequel vous vouliez revenir, Richard. Alors, on a parlé pas mal d'alcool tout à l'heure, donc je dirais que, comme pour certains qui disent le dernier verre pour la route, sachez que la route ne boit pas d'alcool, elle boit du sang. C'est vraiment triste à dire, mais c'est glauque, mais c'est je ça. Je voulais que ce soit quelque chose de marquant. Maître. Oui, sur les droits automobilistes, sachez qu'il y a toujours une possibilité de contester la contravention, quelle qu'elle soit, soit pour faire valoir ses droits, ou soit justement simplement pour faire passer quelques délais pour pouvoir récupérer ses points. Donc ne payez pas tout de suite, vérifiez vos droits avant toute chose. Voilà, merci à tous les deux, Richard Barré, Maître Combes, Landivier, d'avoir été nos invités, vos experts. Toutes les informations pratiques concernant cette émission, tout ce qui a été dit, à retrouver sur la page Facebook Les Experts de cette émission. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. J'inscris sur mon corps l'histoire d'une vie, la même que tes parents te racontaient quand t'étais petit, celle avec laquelle tu pensais grandir. La vie rêvée te fait souffrir, tu changes de chaîne, ça te fait de la peine. Devant l'écran veille, t'es plus le même, tu cherches un endroit pour pouvoir t'enfuir. Les promesses tenues restent à écrire. Ma jeunesse n'a plus les mots, ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse, à bientôt, ma jeunesse. Ma jeunesse n'a plus les mots. M'aventurer dans la rue tard le soir. Vers minuit, ma jeunesse embrume l'esprit et s'évade dans un monde loin d'aujourd'hui. Elle s'endort pas dans les bras de Morphée, se réveille entre lettres de motive et CV. Ma jeunesse, tu parles, elle est pas dorée, elle est pas assez bien pour exister. Ma jeunesse n'a plus les mots, ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse. sur la première. Pour être tout à fait complet concernant cette émission des experts d'aujourd'hui consacrée, eh bien, à votre permis de conduire et au code de la route, notez bien que si vous avez besoin de connaître le relevé intégral et l'historique de votre permis de conduire, il vous faut vous rendre en préfecture ou en sous-préfecture. Et notez également que vous pouvez y avoir accès à ce relevé intégral sur Internet, notamment à cette adresse télépoint.fr. Avec un code confidentiel, vous pourrez eh bien, connaître votre solde de points et il vaut mieux s'informer au lieu de laisser les choses s'aggraver en fonction de ce qui se passe. Vous pourrez eh bien, faire un stage de récupération de points pour pouvoir récupérer tous les points sur votre permis. Donc notez bien, n'hésitez pas à vous rendre en préfecture ou en sous-préfecture ou encore à aller sur ce site internet télépoint.fr. Et demain, les experts, eh bien, nous parlerons de dépression, de burn-out, le mal-être, comment aider ou se faire aider. Nous serons en compagnie de Nadine Rivière, la présidente de SOS Solitude, et de Frédéric Jonas. Vous pourrez poser vos questions 99-2000. Du grand chemin, quartier Saint-Denis, de Mounifoul dans le grand bazar, bouillons la son ou la gogo, ou bandalon, ils sautent danser, Louloupitou, Maxime, la hop. Gilles Alanda et Madoré, l'orchestre en cuivre n'est pas trop loin, il donne le grain dans le salon bal. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi, dans le cœur rayonné chinois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi, dans le cœur rayonné chinois, ça nous patrimoine aussi. Image d'un fait côté bois rouge, dragon chinois y impressionne. Dans la prière, dans la mosquée, Jaco Malba fait tremble marmaille. Gramoun lélé, vieux en main virie, toutes les entrances dans un cabar. Marmaille caté devant l'église, y jouait canette quand à la porte. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Dans nos racines, Maloya, Sega, les mélanger comme nous couleur et nous coutume. La panne, les petits forblottes, l'été ensemble, mi donne paquet. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, séga aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, Maloya, Ticaré sur la première. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première.

Décès de monsieur Célan Barhomme, Joseph Facnet. Monsieur Célan Barhomme, Joseph Facnet, décès survenu hier à l'âge de 65 ans. Le convoi mortuaire sortira aujourd'hui 14h30 du 159 rue Saint-Philippe à Saint-Louis. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Saint-Louis, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Madame Bouze, Marie-Renée. Madame Bouze, Marie-Renée. Décès survenu aujourd'hui à l'âge de 96 ans. La veillée se tient en chambre funéraire de Bois-Rouge. La bénédiction aura lieu demain, mercredi 14h30, en l'église de Saint-Jacques, suivie de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Madame Moutoumal, Emilia. Madame Moutoumal, Emilia, le décès survenu samedi à Maurice à l'âge de 76 ans. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Al Charles. Monsieur Al Charles. Le décès survenu hier à l'âge de 77 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 149 chemin Épidore-Waro au Tampon tout à l'heure 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Trois-Mars à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Ho King Shan Jean-Max. Monsieur Ho King Shan Jean-Max. Le décès est survenu hier à l'âge de 50 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile 1 Allée du Soleil à Saint-Laurent à la Possession à 14h30 cet après-midi. La bénédiction aura lieu en l'église de la Possession à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est à Saint-Denis. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Notez ces informations pratiques. D'abord, la CISE Réunion qui informe ses abonnés de la commune de Saint-Leu que suite à des travaux de maintenance de la Saphir sur la conduite de Brad Silaos, eh bien, la distribution est perturbée, voire interrompue aujourd'hui sur le secteur du Portail, la ZAC Portail, le secteur de la Pointe-aux-Celles, les Hauts, le secteur de Stella, secteur de Maduran, ZAC Fourachaud, lotissement Le Lièvre, lotissement des Pêcheurs et le lotissement Ticanal. La remise en eau se fera des achats des travaux qui est prévu dans la matinée de demain, mercredi. Notez aussi cette fois-ci ce communiqué de Veolia aux Compagnies Générales des Eaux qui informe ses clients de la commune de Saint-Denis eh bien, qu'en raison de travaux sur le réseau, l'alimentation en eau sera interrompue dès demain, 8h, sur les secteurs suivants à Saint-Denis. Allée du Papillon, l'avenue Eudoxinonge, le boulevard du Chaudron, la route de la rivière des Pluies, rue des Cambards, des Lastrons, des Lavandières, Pipangaï, rue du Stade de l'Est, commune Prima, rue Ravenal, rue Triangle, la ZAC Technopole et les voies adjacentes. Notez que la remise en eau est prévue demain à partir de 12h30, sauf incident bien sûr. L'établissement français du sang de la Réunion, l'EFS vous informe des prochaines collectes mobiles qui sont ouvertes au public. Aujourd'hui, jusqu'à 17h, à partir de 13h, au Leader Price de la Salines-les-Bains et à l'école Paul Hermann aux Avirons, de 8h30 à 12h30. Et demain, mercredi, eh bien, vous pourrez donner votre sang à la mairie annexe de Elbourg de 9h30 à midi, puis de 15h30 à 17h30, et à Saint-Leu, dans le parc du 20 décembre, de 8h30 à 13h. Cyril, attendez un peu Cyril, il veut lui attendre, voilà, alors Ingrid, s'il y passe devant, Ingrid, il passe pas, hein. Mais quoi que c'est lui. Mais quoi fait? Non mais pour qu'il mais prend mais enfin, mais oh, pas parce qu'on appelle Cyril ou passe devant, mais ben, attendons tout. Oh. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour Ingrid. Vous voulez bien? Ah ou même? Oui, bon. Enfin un peu nos attentes. Mais il faut de temps en temps, enfin. Ah oui, prenez mon canouri avec un petit van et des têtes l'ail. Deux, trois haricots pour que c'est, bah, oui. Ça nous l'a en l'air. Et un petit café. Bon, 14h, nous reste avec? Jusqu'à 14h, ben justement, nous avons fait un peu le matin, on va s'occuper un peu. Dans l'actu insolite, on va faire un petit flashback dans les 80s, dans les années 80. Oh là là là là. Bon, ben si Lou connaît quoi? Lui fait la tête, on dirait lui veut punir. Tu viens ou tu viens pas? Ah bon? Il veut plus, il connaît le diable. Bon, ça peut être gros cœur. Allez, reviens, Syl. Allez, bonne journée à tous. Salut. A man decides after 70 years. that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Sur la première, Crazy. Bon appétit si vous êtes à table, il est midi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Gaël Le Dantec. Bonjour Gaël. Et bonjour Ygritte, bonjour à tous. 232 armes en 4 semaines. L'opération Déposer des armes, commencée il y a un mois, a permis à des dizaines de Réunionnais de se débarrasser d'armes non déclarées sans être poursuivies. Le travail a repris au CHU. Les grévistes des hôpitaux de la Réunion ont obtenu des assurances sur le remplacement des salariés absents et la titularisation de plus de 170 précaires. À Saint-Gilles, une partie des bateaux Grand Bleu reste à quai. Les capitaines demandent des augmentations de salaire. Vous entendrez leur point de vue dans un instant. L'alcool sera-t-il bientôt un peu plus cher à la Réunion? La députée Monique Orfé a déposé un amendement dans ce sens pour lutter contre l'alcoolisme. Les demandes de la Saint-Pierroise et de l'Excelsior n'y ont rien fait. La finale de la Coupe régionale de France se jouera bien à Saint-Denis dimanche. Et puis J-2 pour le Grand Raid. Marcel Puig sera sur la ligne de départ avec quelques ambitions pour son retour, vous l'entendrez. 232 armes et plus de 6000 munitions remises dans les commissariats et gendarmeries de Lille. Un mois après le début de l'opération « Déposez vos armes », les services de la préfecture dressent un premier bilan satisfaisant. L'opération, je vous le rappelle, vise à inciter les Réunionnais à se débarrasser des armes qu'ils détiennent illégalement. Alors, quel type d'armes ont été récoltées ces quatre dernières semaines ? Élément de réponse avec Antoine Garnier. Les plus remarquables sont la roquette déposée à la gendarmerie de l'entre-deux fin septembre et l'obus ramené à la brigade de Saint-Gilles-les-Bains à la même période. Deux engins explosifs vieux de plusieurs décennies mais pouvant encore présenter un danger. Aucune sanction ne sera prise contre leurs détenteurs, c'est le principe de l'opération. En revanche, ils ont commis une erreur, rappelle la préfecture, car s'agissant d'explosifs, il est demandé à la population de ne pas les déplacer et de prévenir la gendarmerie ou la police afin que l'arme soit prélevée en toute sécurité. Pour le reste, sur les 232 armes déposées depuis le 15 septembre, 14 sont des armes blanches, des